c'est fini pour ce soir. Et pour la semaine. Et merci pour cette semaine qu'on a encore passée avec vous. On va se retrouver lundi soir, lundi. Dès 20h. On sera là avec toute l'équipe, avec le doc, Karima. Ouais. Je serai là aussi, Kassim, Lilou, Ludo. Et on va retrouver Mickaël maintenant. Et oui. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Ça va ça bien. Ça va être vous? Bah oui. Oh, elle me vous voit, j'aime non, bien. Non, c'était aussi pour Polo. Non, rien à foutre, personne n'est dans cette équipe, apparemment. Quand tu niques, qu'est-ce que tu sors, toi? Bah oui, quand tu niques. Comment ça, bonjour d'abord, Doc. Comment ça, oui, bonjour, Doc. Bonjour, mais bonjour. C'est notre manière de se saluer. D'accord. Comment ça, qu'est-ce que je sors? Et est-ce que tu te lâches? Est-ce que tu dis des petits mots au lit? Avec ta meuf. Ah, bon, non, tu vois, pas spécialement. Je suis sûr que t'offres, oui. C'est un taiseux. Non, mais bien écoute, sûr, moi je les insulte. Bah ah, oui. Non, c'est lui qui se fait insulter en genre oh putain, quand elle se retourne, elle se dit putain, quelle horreur. Allez, casse-toi, enculé, elle dégage. Allez, donc, tu leur dis quoi aux femmes quand tu les baises? Mais c'est un miracle à chaque fois, il dit. Ouais, c'est ça, je remercie Allez, Dieu pour cette offrande qu'il m'offre. Voilà, parce que moi, il y va, mais on sait jamais, ce sera peut-être la dernière. Hein, c'est souvent la dernière. Ah bah c'est ça, on peut jamais savoir. Moi je me dis toujours, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Exactement. Comme disait un grand philosophe, dans l'improbabilité du dos, je bourre le dos. Mes amitiés à Bruno Guillon. Voilà. Que vous retrouverez demain à 6h. Bon, bonne soirée à vous. Bon Merci. Week-end. Le Salut. Fun alors. Hein. Merci. Et apparemment, vous nous rejoignez également à Neuilly-Mines et au Havre ce week-end. Et ça fait plaisir. Eh ben, on sera là, ouais. Moi, mytho. Karel arrive. Karel sera en route. Oh, Roger le mytho, dis donc. Alors, ça, c'est bon, ça. Je peux pas sur Bretagne. Bon, là, on est bon. Bon, non, allez, bonne soirée, bon week-end. Bisous. Salut. À lundi. Et on est parti jusqu'à 2h. Ciao. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça y est, c'est parti pour la dernière de la semaine entre 23h et 2h. Mais rassurez-vous, on sera de retour dimanche à partir de 20h jusqu'à minuit. Et bien entendu, toute la semaine prochaine entre 23h et 2h. Bref, comme vous le savez, l'émission ne s'arrête pas. Jamais. L'émission ne s'arrête jamais. Non, bon, on va s'arrêter un moment. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on sera là. Vous inquiétez pas, à partir de 20h. Et quoi qu'il en soit, on est là également ce soir jusqu'à 2h. Et puis demain, on sera d'ailleurs avec vous à Neuilly-Mines, hein, au Whist Club. Et puis samedi, au Havre. Alors d'abord sur la place de la mairie, puisque Toff paye son quick. Bah évidemment. Et ça fait plaisir. Oui. Ah bah oui, attends, oh là. C'est bon. Donc venez nombreux. Hein. Alors rendez-vous à 14h, place de la mairie. Donc c'est au Havre, samedi. Et puis à 16h, on ira faire un tour du côté du Laser Game Evolution. Je vous ai mis l'adresse sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez aller voir, c'est facebook.com/mickaël officiel. Et puis pour ceux qui n'ont pas internet, c'est 40 rue des Magasins Généraux, 76600 Le Havre. Voilà, donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas évidemment. Vous allez pouvoir faire un laser game avec nous. Il y a encore des places, hein, si vous voulez venir avec nous sans problème. Et on finira la soirée au Caliente à 1h du mat à peu près. Donc là aussi, on a encore des places à vous offrir pour le Whist Club, pour le laser game, pour venir avec nous au Quick à 14h sur la place de la mairie à Havre. Et puis également, donc au Caliente, vous faites un mail maintenant à Toff. Donc dépêchez-vous, toph@funradio.fr. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Olivia qui est avec nous. Bonsoir Olivia. Olivia? Oui. Ah, moi j'ai cru que t'étais partie Olivia. Comment vas-tu ma belle? Ça va et toi? Eh bon écoute, ça va plutôt pas mal. T'appelles de Montagneux toi? Oui, de Montagneux dans l'Isère. D'accord, j'allais te proposer de venir avec nous mais c'est un peu loin. Ouais, voilà. Ouais, ça va. Voilà. Ça va faire. À moins que Toff vienne te chercher, mais bon. Bah, bien sûr, je vais aller la chercher à Montagneux. Dans l'Isère, c'est tellement à côté. C'est juste à côté, bah oui. Et tu chipotes pour pas grand chose, toi. Ah oui, quoi. 600 km, c'est quoi? Bah, c'est rien du tout. Regarde la semaine d'après. Dis donc que j'habite dans un coin paumé, donc ça va être dur. Ah bah, en plus. Ça n'arrête pas. En plus, t'imagines. Bon, t'as passé une bonne journée, toi? Super, nickel. D'accord, t'as fait quoi? Tu fais quoi dans la vie déjà? Eh ben, je suis étudiante et voilà, je vais avoir 17 ans dans moins d'un mois, donc le 3 avril. Cool. Ah, c'est un bon mois au mois d'avril. Moi, je suis du 19. Les meilleurs sont nés en avril. Ah d'ailleurs, bon d'ailleurs, je tiens à rappeler que je ne suis pas du tout dans ce délire-là, mais il vous reste un mois et demi pour me trouver un cadeau. Je pense surtout à Polo et à Toff. Bien sûr. C'est vrai, voilà, bien donc il ne reste qu'un mois et demi. On l'enverrait par la poste, hein. Voilà, exactement. Je salue le doc également qui pourra certainement me faire un cadeau également. Le 19 avril, le doc. 19 avril, voilà. Mais il va t'offrir une consultation gratuite. Eh ben écoute, pourquoi pas. C'est tellement cher les consultations aujourd'hui que ce sera un beau cadeau, hein. Bah oui. Ah bah tiens. Bon, alors on va parler de quoi avec toi, Olivier, dans quelques minutes? Et bah le problème c'est qu'en fait j'ai sorti avec le collègue et mon père et ça fait pas mon père en fait. Le collègue, attends, le collègue, parce qu'il y a des expressions collègue genre ami ou collègue genre mec de. Enfin le collègue de travail quoi. C'est lequel, c'est un ami ou c'est un collègue? C'est un collègue de boulot. Un collègue de boulot. Bon, bah alors restez, on va en parler. Donc pour passer à l'antenne avec nous comme Olivia, eh bien n'hésitez pas, vous nous appelez 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi envoyer Mickaël par SMS au 64 900. Et puis on parlera ensemble de ce que vous voulez. Sandro qui est déjà évidemment débordé au standard. Ça va. Complètement débordé là, son petit casque avec son petit micro là. Genre tu sais, c'est TLM. Oui, vous voulez un crédit? Oui, oui, je peux vous faire un crédit. Alors rassurez-vous, hein, vous empruntez 2000, vous remboursez 150 000 en deux ans avec un taux de 97%. Petite annonce, elle cherche des gâteaux, elle veut se gaver avec. Ah oui, elle cherche des gâteaux. Est-ce que je reprends le régime ce week-end? Voilà, alors avant de reprendre le régime, tu sais, autant... Bah oui. Ouais, mais c'est comme les mecs qui doivent aller faire le plein. Tu vois, ils se disent, bon, je vais quand même aller faire le plein, alors je vais rouler comme un dingue, je vais tout gaspiller. Bah non, parce que si tu gaspilles moins, du coup, ton plein coûtera moins cher. Bah oui, c'est pareil avec le régime. Oui, mais moi, j'aime bien avoir des défis importants. Non. D'accord, en fait, elle préfère partir de 5 kilos que de 3 kilos. D'accord, ok. Ouais, parce que là, elle va se gaver, comme ça, elle va se peser demain, elle va faire, oh là là, qu'est-ce que je suis grossi, ouais. Et hop, le lendemain, elle aura déjà perdu 2 kilos. Exactement, très pratique. Olivier, t'as pas de conseil régime tant qu'on est là, non? Bah, je fais du sport un peu tous les jours et puis c'est bon, hein. Bah c'est ça, et faire un petit peu attention dans l'absolu, c'est un peu ça. Très bien. Bon, Tof qui également se chauffe pour les appels, hein. Bah, évidemment. Il est là en pleine forme avec que des appels. Au PDA, voilà. Au PD Kotcheva. Très gentil lui, hein. Petit fils d'enculé. Voilà, fils de putain même. Voilà, enfin bref, tous ces gens qu'on nous avons rencontrés, que nous avons eu l'occasion de rencontrer au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent. Et c'est là que je sens que la France est sympathique. Ah mais oui, totalement, évidemment, on est toujours au taquet, vous le savez bien. Il y a Polo également qui va bien en pleine forme. Yves, pardon, je baillais. Ah oui, il va bien. Ah oui, je vais dormir. Non, il va bien, il est toujours blessé, mais il va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Allez, bonne nuit, hein. Voilà, il est parti, lui, ça y est, c'est bon. Bande de cons, va. Voilà. Ça va bien. Non, ça va. 23h, ça va, je m'endors, tout va bien. J'ai pas roté. Oui, bah, heureusement, je te le confirme, oui, c'est vrai, effectivement. Bon, Olivia, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir, toi ou pas? Bah, ouais, cache-cache. Cache-cache, oui exactement. Alors cache-cache, il est cache-caché. Planque bien d'ailleurs, cache-cache, à plat. Take me home, tu l'as? Ouais. Voilà. Très bien. Eh ben on va te le mettre tout à l'heure sans problème, promis même. Je vous calerai également le son de Major Lazer. T'aimes bien ça ou pas, Olivia, Major Lazer? Ah, je kiffe. Tu kiffes, tant mieux. Il y a Théo également avec nous là. Salut Théo. Ça va bien, coupe ta radio Théo s'il te plaît. J'ai pas de radio. Ah bon, bah alors c'est autre chose, c'est pas grave. T'as envie d'écouter un son en particulier toi Théo? Happy de Pharrell Williams. Happy de Pharrell Williams, d'accord, ok, pas de problème, on peut le faire. Voilà. Ah sinon je vous avais calé également un son que j'aime beaucoup pour l'instant, je dois vous le dire quand même. Eh ben Pharrell Williams aussi, mais avec Marilyn Monroe le nouveau. Ça permet, ça nous permet de chiller pendant que Toff va chiller. Exactement. Une bonne grosse merde. Tout à fait, merci d'avoir précisé. Bah, avec plaisir. Je sais pas ce qui sort de là en fait. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez envie d'écouter un son particulier, hashtag Mickaël comme d'habitude sur le Twitter de l'émission. Il n'y a pas de problème, comme tous les soirs ça fonctionne. Ça fonctionne, tout à fait. Il y a Bébé Preneur qui dit salut l'équipe, vous déchirez grave, je vous écoute tous les jours, même au taf. Ça c'est une bonne nouvelle, Bébé. Le micro pénis sur le Twitter. Hier soir j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube quand Toff et Polo faisaient du roller. Et ça date. Il y a Mathis aussi. Moi c'est le 26 avril, Mickaël. C'est bien ça, 26 avril, c'est pas mal aussi. Il y a Pod aussi. Ouais, t'as raison, les meilleurs c'est ceux qui sont nés en avril. Moi c'est le 28. Bah oui, mais c'est ça, je le disais. Et le Doc Coco également, Toff, on compte sur toi pour les Paralympiques de demain. Rapporte-nous une médaille d'or. T'es le meilleur. Il va faire le maximum. Mais oui, il va faire le maximum. J'adore. Bon, Olivia, reste à deux secondes, tant qu'on prenne Théo là pour faire la colle de ce soir. Allô, Théo? Ouais. Bon, on va se faire la colle. Bah ouais. Allez, pour gagner la tablette sur... Ah, mais il n'y a plus de Nintendo D3DS XL, hein, c'est fini. Donc il reste la tablette à gagner, la tablette Samsung Galaxy Tab 3. Vas-y, fais péter la colle. Il suffit d'un oui ou d'un non pour que nous nous séparions. Qui sommes-nous? Voilà, il suffit d'un oui ou d'un non pour que nous nous séparions. Qui sommes-nous? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous pouvez jouer simplement en envoyant Mickaël suivi de votre réponse par SMS au 64 900 ou alors directement sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et alors attention, allez voir sur le Facebook parce que vous le savez depuis le début de la semaine, pour faire chier Polo, je fais chaque fois des photos de merde où j'ai des têtes de con. Hein. Alors là, je pense que je me suis surpassé. Donc allez voir, je viens de vous la poster là maintenant. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Alors Polo, que penses-tu de cette magnifique photo qui vient d'arriver? Je vais checker là, regarde. Oh la Mikael, c'est pas possible. Alors tu l'as vu ou pas toi Théo sur le Facebook? Non. Ah bah allez, va voir facebook.com/MIKAELOfficiel et sur le Twitter également. Vous tapez MIKAELOfficiel pour venir nous rejoindre. MIKAEL_officiel. Tu l'as vu toi ou pas Olivier la photo? Non, pas encore, mais bon, je vais peut-être bientôt y aller. Ah bah, va voir. En termes de tête de con, là, je pense que je tiens quand même à bon bout. Hein. Ouais. Ah ouais, non, là, encore une fois, Polo, là, putain. Mais qu'est-ce que t'as? On t'emmerde ou quoi, là? Non, c'est tough. Bah oui, mais vous êtes face de moi, faut pas oublier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, justement, Polo, toi qui t'énerve facilement, est-ce que tu t'es déjà emporté et après t'as regretté ce que t'as dit ou ce que t'as fait? En fait, c'est le drame de sa vie, Polo. Je pose la question parce qu'on est en radio. Moi, je sais très bien que oui, évidemment, mais je me posais la question par politesse. Mais il y a plein d'anecdotes. Une fois, j'ai embrouillé un chinois dans un. Je me dis putain, il a même été jusque là, quoi. Dans le métro. Ouais. Et je l'ai embrouillé, mais je croyais que j'allais lui mettre une baffe et en fait, il comprenait pas, quoi. Enfin, c'était un touriste et je lui explique. Et il me regarde comme ça et en fait il est surpris et je lui dis oh. Et puis là je vois que le mec est pas bien quoi Et là en fait j'ai tourné un peu puis je lui dis non attends c'est je lui explique très bon point pas... très non, bien puis, bien à Paris hein, bien venu un petit jeune là un petit de 10 ans ou 12 ans j'ai failli lui mettre une baffe parce que le mec il me tape avec son sac pendant 2-3 stations et je lui dis tu peux arrêter de me taper avec le sac, il me fait bah il me regarde comme ça fixement, je fais tu veux faire quoi, tu veux te battre? Et là, il a commencé à avoir peur. Oui, l'autre, il a agressé directement. Ouais. Bah oui. Moi, je me suis embrouillé avec un mec. C'était arrivé à un parking de Carrefour, tu vois. Ouais. Donc le mec, je me suis fait chier. J'ai fait la file pour pouvoir entrer. Un connard, il arrive sur le côté, il passe devant tout le monde. Comment? J'étais vénère. J'avance pour le bloquer. Donc il est bloqué. Évidemment. Vous bloquez? Non, il était bloqué, il a bien eu profondément. Il s'est dit ouais je vais lui rentrer dedans, il va l'énerver, j'en ai rien à foutre, moi je suis assuré, c'est assurance qui va râler, moi je m'en fous. Donc finalement il bloque, il freine à mort, il avance, j'avance aussi, je suis devant. Et le mec c'était un gros dans une petite voiture, mais il s'énervait, je le voyais en train de remuer les bras, etc. Et donc je me dis je vais avancer, j'étais dans le parking du Carrefour, donc tu peux pas aller avancer très très vite. Et là je me fous de sa gueule parce qu'en fait il essayait de dépasser sur le côté, mais tu sais on était à 10 à l'heure quoi, tu vois, ouais. C'est même pas comme si on était sur l'autoroute. Et donc au moment où je devais me garer, donc je me gare pas et je fais exprès de faire le tour. Tu vois, je fais le tour de 4 voitures qui étaient garées et je fais le tour et lui il fait le tour aussi. Et puis à un moment il s'arrête et il fait marche arrière dans l'autre sens pour me bloquer de l'avant. Et je sors, je dis qu'est-ce qu'il y a gros? Il dit ouais, je vais te mettre mon poids sur la gueule. Je dis bah viens si tu veux. Il fait ouais, la prochaine fois fais encore une fois ça, je vais te mettre mon poids sur la gueule. Et puis il est parti. J'ai l'impression de voir un ami de Toff. Oui, le mec s'énerve beaucoup mais il faut pas grand chose. Bah voilà, et en fait il s'est rien passé. Mais je me suis dit heureusement parce qu'il m'aurait mis une belle patate. Hein. Vu sa taille, je peux te dire qu'il m'aurait mis une belle patate. Hein. Le temps qu'il déplace son poids et tout. Ah bah ouais, et toi t'as déjà vécu un truc comme ça Olivier ou pas toi? Non, franchement non, mais le problème c'est que pourquoi il s'est arrêté le pélo? Pourquoi il s'est arrêté quoi? Le pélo. Le gros, le mec? Ouais. Bah parce qu'il voulait me foutre la misère. Parce que sinon, juste parce que je l'avais bloqué alors qu'il était en tort quand on est rentré dans le parking. Non mais je suis, j'essaie de travailler sur moi, c'est vrai, parce que c'est vrai que je suis portugais, donc j'ai le sang un peu plus chaud, donc c'est vrai que parfois je réagis et puis je réfléchis, ça m'arrive parfois avec des mails. Oui, voilà. Souvent. Le sous-chef, c'est de quoi je parle. Et le pire avec Mikael, quand il envoie un mail énervé, c'est qu'il oublie des mots. Donc les phrases n'ont pas du tout le même sens. Voilà, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Vous allez voir, le pas a toute son importance, tu vois, dans la phrase. Et puis après, il y a parfois d'autres mots comme ça. Enfin, bon. Donc toi, t'es plutôt du style calme, Olivia. Ouais. Bon, d'accord. Bah, venez nous dire aussi, vous, si vous avez déjà fait des choses sous le coup de la colère et que vous avez regretté juste après. J'en parle parce que dans l'Oregon, en fait, il y a un couple qui voulait manger de la pizza, sauf que le pizzaiolo voulait fermer son resto et surtout, il a vu qu'ils étaient un peu éméchés, un peu bourrés, donc. Et le couple s'est énervé, ils sont revenus et ils ont brûlé le restaurant. Normal. Bon, alors c'est vrai que parfois, je peux être un peu nerveux, mais quand même pas à ce point-là. Hein. Faut quand même pas déconner non plus. J'irai pas brûler le restaurant, mais je suis plutôt du style à m'énerver, c'est vrai, ça peut arriver. Mais j'essaie quand même de me contenir. Et tu sais, alors du coup, parfois je sens un coup de transpiration comme ça, de la tête jusqu'aux pieds. Et là, c'est que je suis énervé. Tu vois, là, c'est quand je sens que. Ça m'est arrivé il y a une petite demi-heure. Et. Alors du coup, après, ça passe. Ouais, je souffle un peu et puis après, on est bien. Et on parle faut de quoi jamais avec toi s'énerver, ça sert à rien. Mais non, dit-il. C'est ça. Nous dit le roi de l'énervement. Le roi de l'énervement qui râle pour un oui ou pour un non. Bon, Olivia, on va pas parler de l'énervement avec toi. On va parler de quoi donc donc tu sors avec le collègue de ton père, c'est ça? Oui, voilà. Mais quelle horreur. Mais attends, mais il est au courant ton père? Non, il est pas au courant. Eh ben, il est au courant sans être au courant en fait. Ça veut rien dire. Il est au courant ou il est pas au courant? Bah dis donc, disons que tu fais un doute en fait. Oh là là. Ah d'accord, ok. On peut pas trouver un autre mec. Bah ouais, mais il est pas venu t'en parler encore. Pauvre non, rien. Homme. Bah disons que quand tu viens m'en parler, il me fait ouais, pourquoi tu es avec et tout, tu devrais plutôt trouver un mec de ton lycée et tout. Je fais mais je sais pas, je suis heureuse avec, je voudrais pas comprendre, j'ai le droit. Ouais bah de son âge quoi. Et quel âge il a lui? Eh ben, il va avoir 34 ans au mois d'octobre. 34 là. Et toi 17. Ouais, bon, bah, effectivement, ouais, il y a une grande différence. Bon, on en parle dans quelques minutes là. Restez avec nous si vous voulez donner votre conseil à Olivia, si vous voulez réagir aussi par rapport aux énervements. Est-ce que vous vous êtes déjà énervé en vous emportant tout le bordel, en faisant des trucs que vous avez regretté 5 minutes après? Eh ben, appelez-nous 01 42 48 5000. Vous balancez vos messages aussi sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et il y a Renaud qui dit: pendant mon voyage en Espagne, aujourd'hui, je n'ai cessé de penser à vous. Oh, c'est gentil, Renaud. Bienvenue. Bah, re-bienvenue à toi. C'est mal, c'est pourri l'Espagne, y a rien à faire. Non mais sérieux, tu peux pas penser à autre chose qu'à nous. Bah, je peux rien dire, hein, je suis portugais donc vous savez bien que cette petite battle là, je peux pas défendre. Et DJ Koma qui dit moi je m'énerve quand le matin on vient me parler, je supporte pas et je suis capable d'insulter grave. Ah bon, heureusement que fait pas le morning. Hein. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, et on est en direct sur Fun Radio 23h16. On est en direct dans toute la France comme tous les soirs. Appelez-nous donc 01 42 48 5000 par SMS, ça marche aussi. Vous envoyez MIKL suivi de votre message et vous envoyez ça au 64 900. Et puis on s'écoute le son de Major Lazer au cœur d'une heure sans pub et Shana Paul, c'est Come to Me sur Fun. Et Major Lazer à l'instant sur Fun Radio. MIKL, limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Eh bah ouais, il y a Florent qui dit on va tout déchirer samedi au Caliente. Ouais, on sera au Havre, hein, je le rappelle encore une fois, mais c'est important. Au Havre, donc, place de la mairie à 14h devant le Quick, puisque Toff paye son Quick. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et ça, c'est bon, il a déjà appelé la banque pour faire monter le plafond. Ah bah, j'ai pas le choix. Hein. Bah, voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et bonne nouvelle également, il m'a dit, je vous le montrerai sur SMS si jamais vous ne me croyez pas, qu'il avait rendez-vous à la banque aujourd'hui à 15h30. J'en déduis que c'est pour faire changer sa carte qui était cassée hier. Bah oui, non mais oui. Bah voilà, c'est parfait. Donc une nouvelle carte. Par contre, il faut 10 jours. Hein. Ouais, c'est ça. Une nouvelle carte toute neuve qui va pouvoir être utilisée au Quick, donc samedi 14h au place de la mairie au Havre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais dire que j'étais dans une banque un peu minable qui commence par un L et finit par un L. Le Crédit Lyonnais? Je sais pas, j'ai rien dit. Le Crédit Lyonnais, on est tranquille. Tu peux le dire. Et donc voilà, donc ça prend 10 jours. Ah, très bien. Bon, et puis donc je le rappelle, donc 14h, place de la mairie au Havre. Ensuite, à 16h, on sera au Laser Game Evolution. C'est au 40 rue des Magasins Généraux, au Havre, toujours évidemment. Et puis le soir au Caliente, toute la journée de samedi, on sera au Havre avec vous. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Et puis bah venez, on va faire la teuf. On va venir avec des cadeaux également. Et puis on paye à bouffer. Donc comme je le disais, au Quick, un teuf paye sa tournée. On peut là, rien à foutre, pépère. Non, mais oui, on va se mettre bien. Pépère la famille. Bon, par contre, c'est un cheese par personne. Hein. Ah, et tout le cinéma, on va se gaver au moins. Ouais, bah, c'est ça, on va se faire plaisir. 3-4 sandwichs. Il y a Gaëtan aussi sur le Twitter. La fille a 16 ans et le gars 34. C'est un peu normal que son père, ça lui plaise pas là, c'est n'importe quoi. Il y a Grrr aussi sur Twitter qui dit: tous les soirs, ce sont des émissions de ouf. Et une fois qu'on commence à écouter, on devient accro. Oh, c'est gentil. Grrr, il y a Maureen aussi. Bonsoir, j'ai ramené les amis sur votre radio. Je peux avoir un message de remerciement? Ah bah écoute, avec grand plaisir. Four à bite ton cul. Voilà Maureen. Thomas également. Ça lui fait plaisir, je suis sûr. J'imagine. Wesh l'équipe, vous me tuez dès le début, c'est bon ça. Et puis un message: bien joué mec, il y en a vraiment qui sont des bolos au volant, l'émission est top. Je peux avoir un message de bienvenue? Bah oui, et je vais te chier à la gueule moi, tu vas voir. Bah voilà, un petit message qui est arrivé par SMS au 64 900 en débutant le message par MIKL. Et Tixic aussi, MIKL, j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue, bah tiens. Bah je me branle sur le cul de ta mère, d'accord. Voilà, et bienvenue à vous tous, vous êtes toujours les bienvenus bien sûr sur Fun Radio. Bon, allez, on va continuer à parler des énervements stupides. Est-ce que vous vous êtes déjà énervé en regrettant par après avoir dit ou fait quelque chose? Alors je peux vous dire que dans une radio où je bossais avant, il y a eu des moments où je me suis bien énervé. J'ai pas souvent regretté, mais ça m'est arrivé hein, de faire marche arrière. Et sur des trucs, parfois avec la direction, hein, des mecs qui prenaient la tête, etc. etc. Mais qu'est-ce que sur quoi aussi? Il y a des moments aussi. Il y a des moments où tu t'énerves parce que tu reçois un mail, sauf que tu sais, c'est du texte, ou un SMS, hein, c'est du texte, et donc du coup, tu prends le truc hyper mal, alors qu'en fait, c'est pour rire, ou c'est pas du tout méchant, ou un truc comme ça. Donc là aussi, tu peux t'énerver facilement. Donc appelez-nous si vous avez votre truc à dire à propos d'énervement. 01 42 48 5000. Est-ce que vous connaissez, tu me diras, Olivia? T'es là, Olivia? Oui, je suis là. Tu connais déjà le partage de vélo, de voiture, de maison, etc. Tu sais, quand tu pars en vacances, par exemple? Ouais, je connais ça. Voilà, tu sais, genre tu prêtes ta maison en échange de quoi, celui qui est dans ta maison, bah il te prête la sienne dans un autre pays, etc., etc. Il y a ça pour les vélos, ouais, pour les voitures. Ouais, oui, non, mais après voilà, il y en a qui le font et tout, ça marche. Moi, bien. Je connais un pote qui l'a fait. Il a un appart minable à Paris. Oui, un tout petit truc. Et donc il a fait un échange. C'est un pote de Polo. Oui. Qui a fait un échange avec un mec au Mexique. C'est bouffon là, c'est pas mon pote, je l'emmerde. Au Mexique. Et donc le Mexicain, il est venu dans un appart mais tout petit à Paris. Il a trouvé ça génial. Et lui par contre il avait une villa avec piscine de ouf. Ouais, mais c'est la magie de Paris, ça. T'arrives dans une maison de bonne et puis les gens ils sont contents. En même temps il est tellement petit qu'un réduit et un placard ça peut lui servir de villa. C'est vrai. Et donc du coup en fait il y a un mec qui a proposé une nouvelle application qui vient de sortir pour partager. Pour partager quoi? Ses chiottes. Ça s'appelle Airbnb, hein. Ça s'appelle Airbnb. Donc si vous avez envie d'un petit pipi ou d'aller chier tout simplement, vous prenez l'application et vous saurez où sont les toilettes les plus proches. Alors c'est pas un truc de toilette publique, hein. C'est des particuliers qui mettent leurs chiottes à disposition. Donc est-ce que vous le feriez? Ah moi oui. Ah ouais? Bah des fois t'as envie de chier, ça arrive à tout le monde. Ah ouais. Donc t'as deux solutions. Soit tu te retiens et là tu es au bord de l'évanouissement, soit tu vas dans les chiottes d'un café ou les toilettes publiques, donc c'est un peu dégueulasse. Ou alors les comment ça s'appelle là, les trucs tu sais dans la rue, les trucs automatiques là. Automatique. Ça, c'est, vous avez déjà essayé de chier quand tu restes trop longtemps, parce qu'après il y a un moment ça commence à sonner, puis t'as le cachet au milieu qui nettoie. Moi je suis allé une fois, ça pue. Ouais, une fois j'y suis allé. Une fois. Et si vous allez baiser dedans, faites attention, ça peut être dangereux aussi. Parce que du coup, vous allez rester trop longtemps et là, vous allez vous ressortir de là, mais trempé à cause du nettoyage. Mais rien que l'odeur, tu peux pas. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à bander avec l'odeur. Non, mais après, elle pue pas toute non plus. Hein. Enfin bon. Donc toi, Olivia, tu ne le ferais pas. Donc ça, c'est fait, hein, c'est sûr. Puisque tu. Ah non, parce que franchement, c'est dégueulasse. Quoi. Bah, t'es changé déjà pas ta maison. Alors les chiottes, t'imagines bien, hein, c'est clair. Bon bah du coup, on va faire les appels et on va demander à tes amis. Si je peux aller chier un petit coup. Ouais. Bah voilà, si tu peux emprunter leur toilette, leur sanitaire. Voilà, si je peux aller chier pendant que vous allez chiller. Et bah et oui, par exemple, exactement. complètement avec le son de Daft Punk. Bah ouais, on va plutôt se mettre bien, comme ça va être plutôt parfait, effectivement. Bon, donc on va appeler dans quelques minutes des amis de Toff. Si vous avez d'ailleurs des numéros de téléphone à nous partager, hein, à faire partager plutôt, pour qu'on puisse appeler les amis de Toff, n'hésitez pas, toph@funradio.fr. Bon, Olivia. Oui. Alors, donc toi tu nous avais appelé parce que tu sors avec le collègue de ton père. Forcément, lui, il le vit relativement mal. Il a 34 ans, toi 17. Quel âge il a ton père? Eh ben, il va avoir 51 au mois de juin, là. Oh, le 51 au mois de juin, d'accord, ok. Bon, et ça fait combien de temps que tu sors avec le collègue, là? Bah, 2 mois et 3 semaines, quoi. Mais pourquoi, pourquoi tu choisis lui? Pourquoi t'as pas été voir un autre? Bah, parce que, personnellement, il m'attirait plus qu'un autre, et je sais pas, et déjà qu'il fait ma plus grande passion, donc voilà. Et c'est quoi? Bah, c'est le stock car. C'est quoi? Le stock car? Ouais, mais il y a un moment donné. D'accord, il y en a plein d'autres qui font du stock car là. Ouais, moi je fais du stock car avec les autolib, ça compte ou pas? Ouais, avec les autolib tu peux, hein. Ouais, mais bon, je préfère quand le mec il personnalise sa voiture et tout, ça c'est classe quoi. Donc c'est du tuning quoi. Enfin ouais, enfin il fait un peu de tuning et puis il rajoute des trucs et tout sur sa voiture comme des gyrophares, des clignotants. Mais ce que je comprends pas, c'est irrespectueux. En fait, tu peux pas. Et le père, quoi, ça se fait pas pour ton père. Bah non, mais ça, à la limite, on s'en fout. C'est mais pas non, ça. Mais si, parce que attends, il est son collègue. Attends, c'est pas le meilleur ami, c'est un collègue. Et bah justement, c'est encore pire la honte. Non, moi, j'irai pas jusque là, mais non. C'est juste qu'après, trouver peut-être un mec un peu plus jeune et tant qu'à faire, effectivement, qu'il soit pas le collègue de ton père. Ah oui. Mais vous vous êtes rencontrés comment du coup? Et bah, il est venu chez moi et tout un jour, et voilà, on se rencontrait comme ça, et c'est. De là où j'ai fait putain, il est plutôt mignon et tout. Et quand il m'a dit son réel âge et tout, j'ai fait oh là, va peut-être falloir que je me calme et tout. Ah bah oui, mais ça va, si tu t'en rends compte, c'est déjà pas mal. C'est quoi la différence d'âge, la maximum avec laquelle t'es sorti, Toff? Plus ou moins, peu importe. Enfin, plus ou moins. Moins, c'est... Attends, Olivia, je demandais à Toff là. C'était moins, je crois qu'il y avait une dizaine d'années, un peu plus. Dizaine d'années? Ouais, 10-12 ans. 10-12 ans? Ouais, entre 10 et 12. D'accord. Et toi, Olivia? Mon maximum? Ouais. Eh ben, c'est 34, c'est lui. Ah bah, 34, c'est celui-là. Polo? Moi, en fait, je suis pas vraiment sorti parce que j'ai une vision différente du couple que vous. Et en fait, c'était une meuf qui était. Elle avait 12 ans. Ouais, 12 ans de plus que moi, mais je voulais putain, pas. J'ai eu peur. Elle avait 12 ans. Non, 12 ans de plus. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans, c'était génial. Ah, quelle horreur. 12 ans de plus. D'accord. Et puis voilà, mais puis j'en voulais pas. En fait, au bout d'un moment, elle m'a dégoûté. Je lui ai dit dégagez quoi. D'accord, ok. Bon, là, je suis comme ça, moi. Ouais, moi, c'est un an. Hein. Un an de plus. Deux ans de plus. C'est petit. Bah ouais, mais. De quoi? Mais c'est une cougar. Oui, complètement, oui. Non, mais en fait, c'était, ouais, non, 2 ans de plus que moi. Je suis toujours sorti avec des plus âgés, moi. Ouais, une ou deux fois, je sortais avec une plus jeune. Mais, donc, plus âgé, c'était 2 ans de plus. Et plus jeune, c'était, 5 ans de moins. Ouais, oh, c'est ça. Ouais, ouais, mais ça reste dans la lignée normale. Ouais, ouais, bien sûr. C'est Alice Fleva, Alice et Eva, pardon, qui dit, je vais réveiller mes parents, mais c'est pas grave, je vous kiffe. Mais merci, gros bisous à vous deux, les filles. Et Drakid qui dit, je savais pas que ça existait, partager ses chiottes. Bah, écoute, nous non plus, on est un peu tombé des nues quand on a vu ça, mais comme bah, quoi, tout est possible et tout arrive, hein. Mais moi, je trouve le concept sympa. Oui, oui, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est original. Bon, Olivia, restez avec nous. Si vous aussi, vous êtes déjà sorti avec les collègues de vos parents, ou en l'occurrence, avec des gens beaucoup plus vieux que vous, appelez-nous pour qu'on en parle. 01 42 48 5000. Vous envoyez aussi votre message si vous voulez par SMS. Envoyez Mickaël au 64 900, ou alors vous nous rejoignez, hein, facebook.com/Mickaël officiel. On va parler avec Dino dans quelques minutes d'énervement de Chambéry. Là, Dino, salut à toi, comment ça va? Salut Mickaël, salut l'équipe. Bah, j'ai en forme. Bah oui, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur routier, je suis dans le transport. D'accord, ok, très bien. Je te rappelle qu'on sera tout près de Chambéry, on sera à Orcières. Je sais pas si tu connais Orcières. Si, là, j'ai vu, et puis en ce moment je roule la nuit, donc je vous écoute tous les soirs depuis un petit moment là. Ah bah super, tu passes nous voir à Orcières quand on y sera ou pas vendredi prochain et samedi prochain? Ça va être chaud parce que j'ai un planning assez chargé. Merde, t'en as rien à foutre, tu le déchires. Attends, tu dis c'est qui le patron ici, c'est moi, t'as compris? Bah ouais. Tu vas voir ton patron, tu dis ça comme ça, et puis tu t'énerves un coup, comme ça passe. Tu nous ramènes un cajou d'orange. Voilà, exactement, ouais. Bon, comme ça, j'ai un Pôle emploi après. Eh bah oui, en étant énervé, c'est le principal. Bon, on va en parler d'énervement, ouais. Dino, reste avec nous. Il y a Mylène également qui est avec nous de Colmar là. Bonsoir Mylène, comment ça va ma belle? Et en forme aussi? Oui, et vous? Bah écoute, très bien aussi Mylène, on va parler d'énervement. Tout à fait. T'es du style à t'énerver toi? Oui. Très bien, eh bah on en parle après Eric Arborès, d'accord? Ça te branche, t'aimes bien? Tout à fait. Eh bah parfait, on se met ça maintenant au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h, bonne nuit. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que nous. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, et on s'arrête pas, on sera également là de retour bien sûr dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Et toute la semaine prochaine bien entendu comme d'habitude 23h, 2h du mat. Il y a Mathis aussi, du lourd ce son à l'instant là. Eh ben c'était le son d'Eric Arborès. Marie-Kelle également, imagine t'as un gros dégueulasse qui salit tes chiottes. Bah oui mais c'est le risque. Il y a Miss Clo également, désolé de pas pouvoir écouter jusqu'au bout ce soir. Cours de mat à 8h demain matin. Des encouragements. Oh bah merde Miss Clo là. Bon bah oui, un petit message d'encouragement. Alors attends. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Oui, c'était peut-être un peu violent. Mais je t'embrasse quand même, Miss Clo. Bonne chance pour demain matin. Devers45 aussi sur le Twitter. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand il y a une personne qui frappe à la porte de ta chambre pour te réveiller alors que tu dors bien. Ouais, alors ce qui peut t'énerver aussi, c'est quand tu es avec une meuf, en l'occurrence, et qu'elle te dit tu dors? Bah, soit tu me réveilles, soit rien. Ouais, c'est tu dors? Oui, oui, je dors. Ou alors, ce qui est encore plus court, c'est quand l'autre répond oui oui je dors. Alors oui, qu'elle répond, tu vois. Oui il répond, c'est assez improbable. Et Louise également qui dit salut l'équipe, je vous écoute depuis lundi tous les soirs, vous me tuez. Enfin le soir on rigole et on s'ennuie plus. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message de bienvenue? Bah si tu veux, allez tiens. Alors moi je viens, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je nique toute ta famille moi. Voilà, avec plaisir. Voilà, gros bisous et merci à toi d'être venu, Héloïse. Bah oui, d'ailleurs, vous êtes rendu compte petit à petit, effectivement, qu'il se passe enfin un truc à la radio. Terminé de se faire chier avec de mauvaises émissions ailleurs. Ouais. Vous êtes là, 23h, 2h, de plus en plus nombreux, comme on peut le voir d'ailleurs sur le Facebook, le Twitter notamment, et puis au standard, hein, au 01 42 48 5000. Il y a Happy Man aussi. Ah ouais, 16 ans et le gars 34. Non, c'est trop. En plus, la meuf n'a même pas 18 ans. Si elle était ma fille, c'est niette. Oui, non, j'avoue aussi que je le vivrais relativement mal, hein. Si c'était ma fille, je te le confirme. T'imagines ta fille, elle présente. Bah, c'est ton collègue, Toff. Oh bah je putain. Sors avec Toff. Moi, oh bah je alors là, mec. Oh mon dieu. Ah ouais, la pauvre. Ah ouais, non, là, effectivement. Surtout avec sa tête. Encore ah le oui. Mec, c'est un beau mec, tu vois, mais là. Ouais, ce serait Polo, ça passerait mieux, quoi. Oh ouais, ce serait ça. Hop. terminé. 6 coups dans la gueule. 6 coups dans le cul. Ouais. 6 coups dans le cul directement. Bon, Mylène, pour l'énervement dans quelques minutes. Avant cela, nous allons faire des appels afin de voir si les gens s'énervent. Si tu peux, pardon, aller vérifier s'il y a moyen d'aller aux toilettes. Bah oui, s'il y a moyen de chier un petit coup. Parce que tu n'as pas encore l'application Airbnb. Non. Et donc, du coup, en attendant, bon, on appelle des gens pour voir si tu peux aller déféquer chez eux. Bah oui. C'est beau, déféquer. En toute sympathie, bien sûr. Évidemment. Allez, on y va. On appelle maintenant le premier grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et continuez d'ailleurs, on est là jusqu'à 2h, donc on a encore besoin de numéro. Oui, allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je vais savoir si c'était possible de venir chier chez vous. De venir quoi ? De venir pousser une petite crotte, madame. Espèce de connard. Oh non, madame, pourquoi vous dites ça ? Espèce de gros connard. Oh non, mais enfin madame, je veux juste venir faire caca. Vous voulez venir faire caca, t'as que ça à faire, espèce de connard. Bah là maintenant oui, parce que ça pousse madame hein. Oh. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bah faire caca monsieur. Eh ben viens, viens. Enculé que tu es là. Ah bah non monsieur, mais enfin dites pas ça. Va te faire foutre pédé là. Oh non mais enfin monsieur, ça n'a rien à voir. Allô. Ouais vas-y, j'appelle les flics connard. Mais pourquoi vous voulez appeler la police madame? Ah, il a raccroché. Attends, attends, on va le rappeler. Ils sont charmants. Ah, ils ont l'air plutôt cool, effectivement. On rappelle la petite famille sympathique en Corse, là. Enfin, je pense. Trop d'amour. En Corse ou dans le sud, je sais pas, mais enfin, en tout cas, on est dans le coin. On n'est pas dans le nord, ça, c'est sûr. Bon, là, ils hésitent à décrocher ou quoi? Allô? Oui, madame, c'est pas la peine d'appeler la police pour un petit caca, enfin. Mais enfin, mais t'as que ça à faire, au petit bâtard que tu es. Mais pas du tout. T'as pas honte. Mais pas du tout, j'ai la crotte qui pousse, alors du coup je voulais venir chez vous. Mais va te faire mettre une bite au cul, enculé que tu es. Mais oui, mais faut que je fasse caca avant. Mais t'as que ça à faire, tu vois. Bah oui, oui. Moi j'ai que... Enfin là, oui. Oh, j'aime bien sa voix. Ouais, ouais, une petite voix sympathique. Je vais te niquer ta race. Je vais te niquer ta race. Bon, on le rappelle. Enfin, on la rappelle. Ou lui, ou je sais pas si on va tomber sur un garçon ou une fille, on verra. Allez hop. On est de retour. Allô? Oui, allô? Écoute-moi bien ce que je vais te dire maintenant, mais écoute bien. Hein. Oui. Écoute bien. Oui. Donc maintenant, je vais te dire sérieux, tu arrêtes de faire chier ou j'appelle le commissariat? Mais je voudrais juste venir chier une fois, madame, après je vous laisse tranquille. Maintenant, vous arrêtez. Mais oui, c'est vous, madame, qui bon. Mais, vous voulez pas que je vienne faire mon petit caca? Maintenant, chier, je vais te faire chier comme il faut, moi. Ah. D'accord, si tu veux chier. Oui, mais je peux venir chier chez vous ou pas? Tu n'as pas honte, espèce de gros connard. Maintenant, j'appelle le commissariat. Mais pourquoi vous l'appelez le commissariat pour un petit caca? Ah oui, ben non, là, nous va raccrocher malheureusement. Oh. On n'ira pas là-bas, enfin tout en l'occurrence. Bah oui, mais bon. Et c'est décevant, mais bon, c'est comme ça. Hein, bah oui, ça pousse, on n'a pas le choix. Bah on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il y a le café au lait d'ailleurs sur le Twitter qui dit je veux juste venir faire caca. Je me suis encore fait engueuler par mes parents, je rigole trop. Vous êtes trop marrant, je vous kiffe et je vous écoute tous les soirs. Un petit coup de pelle à Tof pour ces conneries de ma part, c'est Seb. Mais bien sûr. Hop, voilà, c'est fait. Et Marikel qui dit Polo est moche. Eh ben ça moi, mérite d'être fait, hein, Marikel sur le Twitter. Il y a Parks Flimilinknil aussi qui dit moi c'est Tof qui m'énerve. Normal. Et Quentin toujours sur le Twitter, rien de tel que d'écouter Mickaël pour remonter le moral. Continuez comme ça, vous êtes au top. Merci beaucoup. Et puis continuez à nous rejoindre également, tapez @Mickaël_, c'est le petit tiret en bas officiel pour venir me rejoindre sur le Twitter de l'émission. Vous me suivez, je vous suivrai également avec plaisir. On se suivra comme ça, on se suivra mutuellement, tout simplement. On va parler d'énervement avec Mylène de Colmar. Est-ce que tu es là, Mylène? Mylène? Oui. Ah très bien. Alors on en parlait donc puisque on est tombé sur une information, un mec qui s'est un peu énervé, enfin un couple dans l'Oregon aux États-Unis, un couple qui voulait manger de la pizza, sauf que le pizzaiolo voulait fermer son resto et surtout s'est rendu compte que le couple était un peu éméché. Résultat, le couple s'est fait mettre dehors, le couple est revenu énervé et ils ont voulu brûler le restaurant. Alors du coup, qu'est-ce que t'as déjà fait énervé que t'as probablement regretté après? J'ai tué un homme. Ah oui, c'est très dramatique. Non, moi en fait c'est souvent sur ma meilleure amie que je gueule. Ah, mais tu nommes ça, c'est à ça que ça sert. Hein. Bah en fait, quand je suis trop stressée ou vraiment je suis mauvaise humeur, ouais. Qu'elle me pète un plomb, qu'elle vient, je sais pas, qu'il s'est passé quelque chose, n'importe quoi, elle me pète un plomb et donc je m'énerve après, je lui gueule dessus, je l'insulte quoi. Ouais mais d'accord, mais tu l'insultes pourquoi? C'est quoi le... C'est, tu dis quoi? C'est quoi comme énervement? Bah en gros, je la traite de tous les noms. Mais ta copine reste avec toi. Enfin, je veux dire, elle t'a pas encore. Mais moi, je t'aurais viré depuis longtemps. Ah, ouais. La dernière fois, elle lui a mis la tête dans les chiottes pendant une demi-heure. Oh, putain, moi, je t'aurais dit ça, ouais. Un four à bite, ton cul, c'est. Voilà, moi, je t'aurais dit ça. Ah, bah, directement, oui. Petit fils d'enculé. Ah, voilà, oui. Putain, ouais. Même. Ah, bah, complètement, moi, je me serais énervé. Hein. Et puis, enculé, toi. Voilà, ah, bah, oui. Elle répond aussi, donc. Ah, bon, bah, ça doit être ambiance chez vous, hein, les amis, là. Hein, ça doit être bonne ambiance. Alors qu'avec Polo et Toff, on est plutôt potes, mais on s'insulte jamais, hein. Non. Non, par si, contre, ça m'arrive d'insulter Toff. Ouais, on casse du sucre. Quand je suis avec Polo, on casse du sucre sur Toff. Quand on est avec Toff, on casse du sucre sur Polo. Il n'y a pas normal. Du sucre qu'on casse dessus, on casse tout. Nous. Ouais, on casse tout, ouais. On casse tout, on casse plutôt tout. Attends, il y a Dino également, de Chambéry. Hello, Dino. Oui. Oui, Dino. Bon, alors, toi, tu t'énerves comment, pourquoi, avec qui, explique bah, tout. En fait, si tu veux, moi, je pars au quart de tour, en fait, en permanence. Ouais. Chaque embrouille. Je sais ce que c'est. Voilà, et bah en fait je prends toujours sur moi, en fait pour la simple raison qu'en fait à la naissance de ma fille, donc en 2004, avec des collègues, avec la famille, on est parti fêter ça en boîte. Mm-hmm. Et bah en fait il y a un mec qui est un peu amoché, en fait il est venu vers moi et je lui dis écoute, fous-moi pas la paix, on fait un heureux événement et puis voilà quoi. Et puis il m'a dit ah bon tu fais de quoi? Et puis bah enfin c'est trop con, bah, je dis ouais la naissance de ma fille, et là le mec il a pas pu se retenir, m'a dit bah tiens il de plus à baiser dans 18 ans. Oh la violence. Et en fait bah il s'est pris pour son grade. Donc et résultat, bah, moi je suis passé au tribunal. Ah bah oui. J'ai pris 3 semaines de TIG pour travailer pour l'État. Ouais. Mais finalement tu ne viens pas horsière, on n'a pas besoin de toi, vaut mieux que tu travailles. Non mais quand même. Et au bout du compte, bah ouais, bah en fait c'est surtout moi qui avais ramassé, parce que le jour que ma femme est sortie donc avec la petite donc de la maternité, en fait j'étais même pas présent en fait. Ah putain ouais. La galère. Non mais bon là pour non, le coup c'est... tu t'es énervé, mais bon, c'est vrai que le mec t'a quand même chauffé, c'est gratuit, ça servait à rien de dire ça. Ouais mais tu vois. Mais t'aurais pas dû lui parler. Et puis ouais en fait c'est tu ça. Tu as provoqué. En fait, ça part le coup, c'est ça. Et c'est après que tu regrettes, bah mais comme oui. Bah ouais, ouais. C'est passé après. C'est ce que je dis toujours. Ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. En exactement, fait, ouais. Dans des situations un peu bizarres comme ça, esquive le mec. Ouais, il vaut mieux. Ouais. Ouais. Bon, bah merci Dino. Ouais, bah merci à vous les gars, et puis continuez comme ça. Ah bah c'est gentil, t'inquiète pas, on va pas s'arrêter tout de suite a priori. Hein. Ouais, bonne soirée. Salut Dino, salut Mylène, ciao, merci ciao. À vous deux. Merci d'être passé là, bon week-end à vous là. Et puis on va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous en direct, bien sûr, avec le canular du jeudi également. Eh oui, canular du jeudi, on va jouer avec Renaud dans quelques minutes. Donc si vous voulez vous aussi, tenter votre chance. Hein, si vous voulez faire un canular, si vous voulez piéger copains, copines, la famille, les amis, un prof éventuellement. Hein, si vous avez le numéro de téléphone, on peut appeler sans problème. Eh ben vous nous appelez pour jouer avec nous, 01 42 48 5000. Et puis on va reprendre Théo maintenant pour la colle. Est-ce que tu es là Théo? Oui. Alors, Théo fait péter la colle. Il suffit d'un oui ou d'un non pour que nous nous séparions. Qui bon, il suffit d'un oui ou d'un non pour que nous nous séparions. Qui sommes-nous? Si vous avez la bonne réponse, tant mieux. Eh bien, il suffit d'envoyer Mickaël et la réponse au 64-900. Il y a Kenan sur le Facebook qui dit « Salut Mickaël, pour moi la réponse de la colle, c'est les parents. » Non. Non. Un couple pour Sarah? Non. Il y a la lettre O et la lettre N? Non. Non. Le divorce? Non. Bon, des amants? Non. Non plus. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, hein, Mickaël, suivi de la réponse au 64-900 par SMS, ou alors directement depuis le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, où j'ai encore, je me suis surpassé au niveau de la photo. Magnifique, ah ouais. Mickaël, tu es magnifique trop beau photo, sur cette photo. Photo ringarde, je m'attelle à ça depuis lundi. Hein. Depuis lundi, j'essaie de faire de pire en pire, et là, je pense que j'ai bien fini en apothéose. Donc, facebook.com/Mickaël officiel, allez voir. Reste avec nous, Théo, on donne la réponse avant 00h30 à la colle, et puis on va revenir. Je l'ai promis. Avec le son de Pharrell Williams, on va chiller pendant que Toff va chiller. Évidemment, ce sera Marilyn Monroe. C'est le nouveau son de Pharrell Williams qu'on va vous passer dans un instant sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, tu nous fais abarder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et oui, restez bien là sur Fun Radio. Il n'y a plus de pub toute la nuit jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure à partir de 6h sur Fun Radio. Comme chaque matin, évidemment. Plus de pub jusqu'à 2h, mais surtout il va se passer plein de choses. Il y a le canular dans quelques minutes, ce sera avec Renaud. On aura également Calissa, souvenez-vous, c'était l'auditrice qui était passée nous voir et qui fait de la voyance. Elle a prévu la mort de Toff très prochainement. Oui, c'est vrai. Ça va Calissa? Bonsoir, ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Donc t'es venu avec toutes tes cartes et tout le bordel. Je suis venu avec mes cartes, mon tapis. Attends, parle vraiment tout près du micro. Je suis venu avec mes cartes, mon tapis. Parfait, ah, tout est là. Ah bah écoute, c'est magnifique, impeccable. Elle va faire la voyance de Toff, ça va être ah, beau. J'espère qu'il va mourir bientôt. Ouais, on va enfin tout savoir sur cette merde. Ce que j'aime bien, j'ai hâte. Je suis content que vous avez plus envie que moi de connaître mon avenir. Et mais grave, grave, grave, grave. Tu caches tellement de choses que nous on veut savoir. Et le côté obscur de la merde là, comme toi, on adore ça. C'est le côté obscur de la merde. C'est ça. Oh là là là. Bon, il y a ValDRC aussi sur le Twitter. Je suis impatient. Mais oui, c'est possible que vous donniez un gros coup de râteau à ma copine qui veut que vous me donniez des coups de pelle. Non, on va te donner un coup de pelle. Voilà, et même un deuxième pour avoir balancé Val. Miliana aussi, enfin c'est Lauriana plutôt. Ou Diana, enfin bref, c'est rendu une ligne. Je sais pas quel est le prénom, mais bon, le truc qui m'énerve le plus, les gens qui n'arrivent pas à te regarder dans les yeux car ils préfèrent regarder ton décolleté. Ah oui, oui, oui, ça c'est. T'as vu Toff, c'est certainement déjà toi. Ouais, et Polo est pas mal non plus. C'est vrai. Elisa et Eva qui dit demain je pourrais pas vous écouter, trop deg et je peux avoir un message de bienvenue. Elisa et Eva, on n'est pas là demain. Le vendredi, on n'est jamais là, Elisa et Eva. Donc, stress, tout va bien. Il n'y a pas de souci, on sera de retour dimanche et toute la semaine prochaine, comme d'hab. Dimanche de 20h à minuit, toute la semaine prochaine et les suivantes, de 23h à 2h du mat. Il y a Luxia aussi, l'avenir de Toff, c'est la radio, on verra. Et Lucas qui dit mort de rire, les Corses au téléphone, surtout que je viens de la Corse. Je vous écoute tous les soirs, vous gérez trop. Merci Lucas, merci pour tous vos messages que vous envoyez, comme tous les soirs d'ailleurs, sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. On fera d'ailleurs un top tweetos tout à l'heure, je le rappelle. À 2h du mat, on verra quel est l'auditeur le plus influente sur le Twitter de l'émission. Et si vous voulez que ce soit vous, bah, il faut simplement tweeter, vous mettez un maximum de messages, vous réagissez à l'émission ou pas, mais vous mettez hashtag et Mickaël dedans, c'est important. Et puis à 2h du mat, on saura lequel d'entre vous donc repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, ça c'est pour ne pas avoir allumé le micro comme d'habitude. Non mais il s'éteint tout seul. Ouais. Bah oui, bah bien sûr, le micro s'éteint seul, bien entendu, tout à fait. Ça c'est pour la mauvaise foi. Bon, allez, vous jouez donc hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, on fait un petit point sur le top tweetos ou pas? Si tu veux. Bah oui, on voit maintenant numéro 5. Quel est le numéro 5 actuellement? Et c'est le numéro 1 qui repartira avec le sextoy. Hein. Numéro 5. 69 degrés. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. Paul PC. Numéro 2. DJ Roms. Et numéro 1. Drakit. Eh ben ce serait Drakit qui gagnerait si jamais évidemment il était 2h du mat, ce qui n'est pas encore le cas. Vous avez encore 2h pour faire bouger tout ça. Il y a JB aussi qui dit et moi je peux venir chier dans le studio. Eh ben écoute, ouais si tu veux JB. Il y a Gink aussi, niveau énervement, je pense que même Polo passe pour le Dalai Lama à côté de moi. Ah ça reste à prouver ça encore hein. Et Guillaume aussi je vous écoute, vous déchirez grave. Merci Guillaume en tout cas. Allez vos messages, vous continuez à les balancer, n'hésitez pas bien entendu. Le canular va débarquer dans quelques minutes. Et retour avec Olivia. T'es toujours là Olivia? Oui. Très oui, bien. Olivia qui sort avec le collègue de son père. Et on a Guillaume qui voulait réagir de Bourg-en-Bresse. Salut Guillaume. Salut Mika. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon bienvenue à toi Guillaume. Alors bon, t'appelles de l'un, toi, et c'est quoi ton avis par rapport à l'histoire d'Olivia qui sort avec le collègue de son père qui a 34 ans, elle en a 17, etc., etc. Ouais, et ben moi, mon avis, en fait, c'est que ben, j'ai déjà une histoire comme ça, et c'est hard, parce qu'en fait, après, il y a toute la famille qui s'en mêle. Ouais. Mickaël est descendu à la cave, hein, vous inquiétez pas, il va remonter. Fait du remue-ménage, mais grave, quoi. Attendez, d'accord. Puis, d'une manière ou d'une autre, après, bon... Ah, ben, d'accord. Tu t'enlèves, parce que bon, je veux dire, les jeunes, et puis mais, tu peux pas faire ta vie avec, quoi, parce bah que oui. D'une manière ou d'une autre, on te mettra toujours des bâtons dans les roues, quoi. Bah oui, ouais, parce que... en gros, tu me pensais de plaquer, en fait. Mais oui, trouve un autre. Bah oui, trouve un autre. Bah oui, trouve jeune, un autre. Quoi, profite, quoi. Profite, ouais, profite de la vie, sûr, découvre. Mais non, mais sûr, trop, mais quoi. Ça fait 2 mois que t'es avec lui. Oui, non, mais enfin, je sais pas, ça va être dur. Ouais mais il a 35 ans. Mais oui mais dans 2-3 ans t'en auras plein le cul. Non mais c'est. Non mais oui ça pourrait être ton père, mais c'est même pas ça encore le problème. C'est juste que c'est le collègue, ça fait 2 mois ton père. Ça va être la galère avec ton père, ça va. C'est trop de galère pour ce que ça va être. C'est le collègue le problème, parce qu'en fait si tu l'aimais et que c'était pas le collègue, c'est pas grave. Mais imagine-toi le père, quelle honte sur lui. Ouais, c'est vrai que déjà qu'il commence à en avoir marre de voir tous les jours et tout, parce qu'on se voit tout, bah oui. Vraiment tous les week-ends et tout, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, mon père, il commence à en avoir marre, quoi. Bah oui, non mais voilà, il y a Océane qui me saoule, moi, c'est quand ma soeur me réveille à 9h pendant les vacances. Oui, ça, c'est un autre problème, évidemment, Océane. Mais non, franchement, moi, je suis d'accord avec Guillaume, lâche l'affaire, en plus, mets-toi à la place de ton père. C'est t'imagine, ça, il va s'énerver pour rien, il va regretter. Non mais c'est pas ça, mais il voit les collègues à la maison tous les jours, enfin, t'imagines. Le mec, il bosse déjà avec lui tout le temps, quoi. Il est encore chez lui à la maison. Et en plus, il se tape sa fille, quoi. Bouh. Et puis même, t'as 17 ans, il en a 34. Genre, il y a un moment, je suis pas contre la différence d'âge. Après, je m'en fous, hein. Si vous êtes amoureux, tant mieux. Mais bon, là, vous, voilà, c'est le début. Je suis pas sûr que, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais après, il a la rumeur à son travail aussi au père, quoi. Ouais, mais c'est un bon coup ou pas, le mec? Oui, enfin. Bah garde-le encore un peu alors, et après tu le vireras quand on aura marre. Mais oui, c'est ça, ouais. Bon, sinon on peut te trouver quelqu'un d'autre, hein, Olivia. Hein. Bien sûr, Olivia, combien mesures-tu? Non, mais pas toi, Toff. Olivia, combien. Je mesure 1m70. Combien pèses-tu? Elle est grande. 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Sensé. Non. Ah, le gros porc. C'est le sensé en fait qui l'intéresse, le porc. C'est ça, hein. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ouais, bon, évidemment, vu comme ça. Bon, Toff, éventuellement, on n'est pas le collègue, hein, donc. Ah non, je suis pas collègue, on va bientôt. En plus, t'as 18 ans en avril. C'est ça, on va bientôt dans l'Isère, donc moi j'ai envie de dire, je peux passer comme voilà. Ça, tu vois. Vite fait, on part pour rendre service, quoi, un petit décrassage. Mais reparlons du sensé, là, parce que moi, ça me... non, c'est pas le sujet le plus important. Ça m'émoustille. Bon, enfin. Guillaume, merci en tout cas d'avoir donné ton avis. Et de rien. Et tu reviens quand tu veux. Ok, ça marche. Salut, Guillaume, merci à toi. Guillaume. À bientôt, bon. Ciao à toi, Guillaume. On peut pas aller faire un tour dans le sensé? Dans le sens... Non, c'est pas bien, elle a 17 ans. En ouais, avril, peut-être, mais là, c'est pas possible. Oh. Rappelle-nous quand t'auras 18 ans. Ouais. Ouais, y a pas de souci. C'est ça, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Bon, mais Olivia, non, écoute, sincèrement, t'as nos avis, après tu fais ce que tu veux, t'es grande, hein. Mais moi, je lâcherai l'affaire. Après, ton business, tu veux ton business, hein. Bah après, j'ai toujours dit, l'amour n'a pas d'âge, quoi. L'amour n'a pas d'âge, c'est vrai, mais est-ce que ça vaut le coup de foutre la merde avec ton père? Je suis pas sûr. Non. Mais bon, voilà, après, t'as nos avis, hein. Voilà. T'as la balance, t'as le pour et le contre, à toi de voir. Sinon, au pire, tu dis à ton père que c'est pour quelques mois. Et au puis, père. Au pire, tu dis que c'est... Enfin, ouais, au pire, bon bref. Ouais, voilà. Donc au pire, tu dis à ton père que c'est pour quelques mois. Bah après, je sais pas, parce que c'est plutôt quelqu'un que mon père apprécie, quoi. Mais justement, Tu lui dis, voilà, que dans quelques mois, ça sera fini, que vous serez passés tous les deux à autre chose. Mais ouais, justement, moi j'ai ma fille qui me dit, ouais, je sors avec lui, t'inquiète, c'est que quelques mois, donc c'est vraiment... C'est juste pour faire démonter, papa. Non mais voilà, c'est ça, je le vis encore plus mal. Hein. Bah ouais, enfin, je sais pas, mais je verrai bien ma vie avec, surtout qu'on parle de mariage, alors voilà. Après deux mois, mais Olivia, Olivia, je vais te dire un truc, alors là, je vais vraiment te dire un truc. Donc t'as 17 ans, il en a 34, que lui a envie de se marier, c'est une chose. Mais toi, il y a un moment, tu vas avoir envie de savoir ce que goûtent les autres bites. Non mais, sérieusement. Et t'as envie de te faire foudroyer le lion, enfin, à un moment donné, voilà, il va falloir changer, quoi. Te casser les pattes arrière par un autre mec, enfin, je sais pas. Non mais tu sais, rongeur de... Surenchère de la dégueulasserie. Non mais il y a un moment tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs. On parlait pas de mariage, t'as 17 ans, t'es sérieuse, Olivia? On parle pas de voiture ce soir? Non. Ah bon. Bah ouais, en plus on avait déjà fixé la date en plus. Bon, et tu te fous de ma gueule, Olivia, parce qu'à chaque fois que je te donne un truc, à chaque fois tu dis ouais mais on avait fait ça. En fait je suis enceinte, j'attendais quadruplé. Donc ouais, ça aurait été bien. En fait on a déjà signé le prêt pour la maison là, et donc on fait construire, elle démarre, les constructions démarrent la semaine prochaine. Et puis le break arrive. Oui, on a commandé le monospace. Et le chien également est là au taquet, hein, bien sûr. Ouais, mais c'est bizarre. Évidemment. Non mais attends, on va prendre Laetitia également, parce qu'il y a un moment c'est pas possible. Laetitia, 30 ans de Bordeaux, là, comment va la bordelaise? Bonsoir à toute l'équipe. Tu vas bien, Laetitia? Ouais, nickel. Bon, tu fais quoi dans la vie, toi? Alors moi, je suis tourneur fraiseur, je travaille dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique. D'accord, ouais. Mais c'est bien. Excuse-moi, t'es tourneur fraiseur? Oui, ça se dit pas encore tournage fraiseuse, mais c'est toujours tourneur fraiseur, malheureusement. Et en fait, tu tournes avec une fraise dans la main. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce que c'est cette fraise-là, éventuellement? Non, c'est pas celle du dentiste, malheureusement, c'est dommage. Bon, bah, bon courage à ceux qui vont chez le dentiste demain, il doit certainement y en avoir, qui vont se reconnaître en se disant, oh putain, merde, j'avais oublié, fais chier. Soit, qu'est-ce que t'aurais comme conseil à donner à Olivia, Laetitia, là, parce que là, on est au top du top, là, au début, c'était juste, oh, je sors comme ça, et là, maintenant, ils veulent se marier, ils ont déjà fixé la date alors qu'ils sont ensemble depuis deux semaines. Le pavillon est déjà construit, ils ont déjà fait les fondations, ouais, c'est... Non, mais là, on est au top. Bon, bref. Donc, non, vas-y, alors. C'est un peu rapide. Enfin, moi, je lui conseille juste, voilà, de le vivre pleinement, mais de pas vraiment s'attacher et à y espérer, surtout. Enfin, surtout avec un gars comme ça, quoi. Avec cet âge-là, je pense pas que ça ira plus loin, quoi. Mais oui, fais-toi ramener et puis passe à autre chose. Ah, bah, voilà, c'est intelligent, Toff. Oui, c'est un conseil de toi, enfin, qu'est-ce que je te dise. Mais c'est un très bon conseil. Il y a Romain aussi sur le Facebook, il dit « Lol, elle veut se marier, moi perso le mariage, c'est le trou de la tombe, la femme c'est le cercueil et les enfants c'est le clou, alors je dis stop, non pas pour moi. » Bah toi t'aurais pu l'écrire ça là. Ah ouais, j'aurais pu, ouais. Il y a Kev qui « Vous êtes des enculés les gars, Lucas également, moi ce qui m'énerve c'est mon petit frère, il peut avoir une baffe à tout moment. » Et Cassandra qui dit « Je me suis engueulé avec mon copain, il est au salon, moi dans la cuisine, je vous écoute, vous me faites trop rire, ça l'énerve de me voir rire. » Tant pis, j'adore ce que vous faites, continuez comme ça, c'est Cassandra. Bah, gros bisous Cassandra, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Cassandra là? C'est quoi l'embrouille qu'il y a eu là? Et Friterie Alba, salut, il n'y a pas un top pour le Facebook, moi qui envoie jamais de message. Bah non Friterie Alba, il n'y en a pas sur le Facebook là, on n'a pas trouvé de programme qui permette de calculer ça malheureusement. Bon, Olivia. Oui. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, tu as nos avis, maintenant la balle est dans ton camp. Je te conseille de ne pas le faire et encore moins de te marier, mais ça c'est improbable, ouais. C'est ensemble depuis 2 mois. Surtout qu'on sait, au début c'est toujours rose, quand t'es avec une meuf au début, que t'es amoureux, c'est génial, t'as l'impression que tu vas faire ta vie avec, puis 3 mois, 6 mois après, 1 an après, mais ouais. C'est peut-être retombé, sauf si c'est tombé sur vraiment le ou la bonne, mais c'est pour ça qu'il faut pas prévoir un mariage après 2 mois. Et t'as pas vu encore, démaquillé avec ton survêtement de week-end, avec les chaussettes dégueulasses, là, en train de chouiner, t'as dit ouais. Mais je suis grosse, mais je bouffe. Et tu lui dis, mais non, mais c'est bon et tout. Et puis après, tu te dis, je me barre parce que je vais lui mettre une baffe. Exactement. Et tu sais que j'ai un pote qui est complètement con. Je l'avais prévenu hein, pour le coup. Il sort avec une meuf. Je vous parle de ça il y a, je vais dire, 8 mois, je pense. 6-8 mois. Il sort avec une meuf. Le mec, il est là. Il se met bien. Il est pépère. Il sort avec la meuf. C'est cool. Et il m'appelle. Il me dit, ouais, tu peux regarder pour réserver des billets d'avion pour moi. Je veux la New York. Je reconnais cette voix. Je veux l'inviter. Machin. Gère-moi un putain d'hôtel. L'avion et tout. Je dis, mais tu vas aller avec qui? Bah avec ma meuf. Je dis, mais t'es avec elle depuis 2 semaines là. Ouais mais je sais, mais tu veux partir quand? En avril. Je dis, mais c'est dans 6 mois. Ouais mais t'inquiète. Bah t'es sûr que tu vas encore être avec elle? Ouais t'inquiète. Bon bah je réserve le truc évidemment. Bah évidemment je prends au moins cher. Donc non échangeable, non remboursable. Et qu'est-ce qui se passe il y a 2 semaines? Dis tu peux regarder éventuellement appeler un pote là qui bosse à la compagnie aérienne pour voir s'il y a moyen de changer les billets. Je dis pas pourquoi. Bah c'est fini en fait avec la Quel bouffon. Donc voilà, c'est au début, c'était sur amoureux, blablabla. Ouais. Et puis après, bah voilà, c'est fini Olivia, donc méfie-toi quand même. Ouais, non mais c'est vrai. Non mais je te dis, voilà, encore une fois, tu fais comme tu veux, je suis pas ton daron, mais... Déjà que son daron a pas grand-chose à dire. Bah déjà, effectivement, oui, donc voilà, fais attention, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, surtout qu'il m'a déjà vu une fois en jogging et tout, il m'a fait, oh, ouais, je te préfère un jogging plutôt qu'être bien fringué, quoi. Ah, il a dit qu'il préférait en jogging. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression en allemand. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, tout ce qu'on va te dire, tu vas de toute façon dire l'inverse, juste pour te rassurer toi-même. Parce que tout ce qu'on t'a donné comme conseil en disant fais attention parce qu'il y a ça, Polo qui a dit ouais il va te voir en jogging et tout, il va peut-être à un moment se dire c'est dégueulasse, mais c'était une vanne à la base. Ouais. Tu vas dire ouais mais il m'a déjà vu en jogging et il me préfère en jogging. En fait tout ce qu'on va te donner comme conseil qui va à l'encontre de ce que tu vas entendre, bah tu vas dire l'inverse en disant ouais mais il a fait mais c'était bien. Hein. Donc ce que j'ai envie de dire c'est marie-toi. Voilà, c'est ça. Bah voilà, bah, c'est tout ce que tu. Bah, il fallait nous le dire, on aurait gagné du temps. Tu nous aurais dit, dites-moi que je dois me marier avec lui, on t'aurait dit oui, et puis bah ça c'était fini quoi. Et rendez-vous dans 10 ans quand tu vas regretter et dire à tes enfants, c'est de votre faute. Ouais, parce qu'il y a le divorce d'abord. Hein. Je suis là comme ça. Voilà, on met la musique, tout le bordel, et puis on est bien, t'inquiète hein. Ouais, tout est là, on a même les cloches. Voilà. Comme cloche. On va jeter le riz. Ça va être génial. Non mais voilà, tu nous aurais dit ça depuis le début, on aurait été au top, on aurait gagné du temps. Et si juste je peux te donner un conseil, épargne environ 2500 euros. Oui, pour le divorce. Voilà. Et voilà, exactement. Ouais. Bon, bah merci Laetitia d'être passée. Hein. Mais de rien. Je te fais des gros bisous. Bon courage à vous. Salut Laetitia, ciao à toi. Bon, bah Olivia, bah écoute, à bientôt alors. Hein. À bientôt. Et est-ce que je pourrais avoir le pack fun Pourquoi faire? Il y a des capotes dedans, mais comme tu vas te marier, t'en as plus besoin. Ouais. Ouais, mais comme je vais le tromper avant. Ah oui, alors d'accord. Bah tu vas gérer ça avec Sandro, Olivia. Salut à toi. Ouais. Ciao. Salut. Bye. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Bon, et ben voilà, il fallait qu'elle le dise depuis le début. Ça aurait été plus simple. Il y a le Top Tweetos qui va arriver dans quelques minutes. Le canular avec notre ami Renaud qui veut faire un canular ce soir. Et bien sûr, les teubés de la télé. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub. Soyez les bienvenus. Il est 3:00 là. On est en direct jusqu'à 2h comme tous les soirs. Et c'est Pharrell Williams qu'on écoute maintenant, le nouveau. This one goes out. Le nouveau Pharrell Williams, c'était Marilyn Monroe. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. sur Fun Radio. Évidemment, et on est en direct sur Fun Radio comme d'habitude. Oui. Oui, bon, on fera d'autres appels avec Tof tout à l'heure là. Rassurez-vous les amis, on va revenir. Hein. Pas de problème. Voilà, va te faire foutre connard aussi, exactement. Bon, il y aura les, il y a les teubés de la télé, les canulars qui va arriver dans quelques minutes avec Renault. Et dans les teubés de la télé, eh ben dans Est-ce que ça marche, on apprend qu'il ne faut pas porter de sous-vêtements les soirs de pleine lune, apparemment. Tu savais ça ou pas, toi, Tof, qui est un spécialiste? Pas du tout. Ah bon, mais je penserais à le faire. Bah, c'est bizarre. Oui, alors, évidemment, je trinque, hein, toujours, je trinque toujours, de toute façon. Oui, non, là, ça, on le sait, ça, on le sait, ça. Mais dans les yeux, c'est mieux. Et surtout, je ne porte pas de culotte les soirs de pleine lune. Voilà, ah bon, c'est très important. Non, mais sérieux? Oui, c'est vrai. Mais vous croyez ce qu'elle dit? Mais évidemment, enfin, mais donc j'ai un calendrier. Mais d'où est lunaire? Mais ça porte chance. Moralité en été, quand il y a des petites jupes bien courtes et que c'est la pleine lune, il pourrait se passer des trucs. Ah ben, bah, je regarderai deux fois en dessous des jupes maintenant. J'imagine. Et dans Money Drop également, on a une candidate qui est relativement tactile. Donc une voiture. Et puis, j'aimerais bien faire une thalasso aussi. Parce que j'en rêve depuis longtemps. J'adore qu'on me tripote, j'adore qu'on me touche. Oh, le rire. Et puis après, les ch'tis, c'est le retour des Marseillais sur W9. Mais je vous rassure, hein, y a que l'accent qui change, hein, le reste est totalement identique. C'est le premier arrivage, les gars. Premier arrivage. 1m73, blonde et jolie. Avec. Et voilà. Un beau bustier, hein, elle respire bien. Ouais. Ouais, elle, elle a l'air de. Oui, elle est très forte. Elle a l'air de bien respirer. Elle a l'air, elle est très forte. Elle a l'air de bien respirer. Hein, voilà, donc elle est bien, nouvel arrivage de fille, donc elle y parle. Et donc apparemment, elle a l'air de bien respirer, nous voilà rassurés. Oui, c'est. Ah, parce qu'on s'inquiétait à un moment, là, mais nous voilà rassurés. Il y a Cassandra qui dit. Ah oui, parce que c'est Cassandra qui nous avait envoyé un message parce qu'elle s'était engueulée avec son mec, que lui est dans le salon, qu'elle est dans la cuisine, etc. Et donc j'avais demandé pourquoi il s'était engueulé. Cassandra qui dit parce que j'ai pris le train pour rentrer, que je lui ai pas envoyé un message pour lui dire que j'arrivais à la maison, je vois pas ce que j'ai fait de mal, mais je m'en suis pris plein la gueule. Bah, Cassandra, moi, je il s'est engueulé, ouais, on a bien idée. Hein. Est-ce qu'il avait un truc à cacher à la maison? Parce que non, c'est bizarre. Hein. Non, c'est le genre de mec, en fait, qui de temps en temps ramène des meufs à la maison, machin, pour faire des trucs. Et donc du coup, il a peur qu'elle arrive un jour où elle avait c'est pas une prévenu. Théorie. Non, c'est une théorie. Mais que j'ai beaucoup employé. Et donc du coup, il t'engueule, il te fait un scandale parce que tu l'as pas prévenu, parce qu'il aurait peut-être pu être avec une autre à ce moment-là. Voilà, et donc c'est quand même... Quand moi même je bizarre. M'inquiéterais, mène ouais. l'enquête. Parce que moi je suis avec ma meuf et elle me prévient pas qu'elle arrive plus tôt. C'est pas très grave dans l'idée. Comme dirait. Non, on la voit. Non, enfin, non mais tu vois, je m'en fous. Enfin, c'est pas très grave. S'il arrive plus tard, qu'elle me le dise, comme ça je suis pas inquiet au cas où, mais s'il arrive plus tôt, c'est pas. Enfin, tu vois. Ouais. Comme dirait Marc, notre Sherlock Holmes auditeur, fais une enquête à la Cluedo. Donc vous voyez, fais une enquête. Il y a Constance aussi. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens n'assument pas ou quand quelqu'un se croit pour le plus beau, le plus fort et le meilleur. Bah, il y en a beaucoup. Hein. Et Yvan qui dit c'est qui le meilleur? Trop facile, l'équipe de Mickaël. Si tu sais pas, bah t'es bête. Bah, merci Yvan. Et Romain aussi, si elle veut faire plaisir à son père, elle largue son mec devant son père. C'est une idée, mais je pense qu'elle s'en fout. Et le Bosniakov également sur le Twitter. J'écoute l'émission depuis un bout de temps. Je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît, vous déchirez. Merci beaucoup. Bah oui, oui, bien sûr, tiens. Un four à bite, ton cul, c'est. Voilà le Bosniakov. Bon, il est 10:30 sur Fun Radio. C'est l'heure de faire un tour du côté du canular. Comme chaque jeudi, vous connaissez le principe maintenant. On va donc faire un canular. On va donc piéger quelqu'un. Et pour jouer, on va prendre Renaud qui est avec nous. Salut Renaud. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, tant mieux. Renaud, t'appelles d'où, dis-moi? J'appelle d'Avignon. Très bien. Bon, on va se faire un petit canular du soir, là. Voilà, voilà. Bah voilà, voilà, très bien. Bon, alors ça va être... ça va parler de quoi? Est-ce que t'as déjà réfléchi à quelque chose? Est-ce que tu as un script? Est-ce que tu as prévu ton petit cours de théâtre? Ouais, complètement, complètement. Bon, alors c'est quoi? Eh bien, en fait, je vais appeler une amie à moi, donc qui est comme ma seconde mère. Ouais. Et je vais, en fait, je vais lui faire croire que ben, j'ai rencontré une fille, mais qui est majeure par rapport à moi, enfin, qui est plus grande que moi. D'accord. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 14 ans. D'accord, et ouais. Et que, ben, le problème, c'est qu'elle est enceinte. De toi? Oui, de moi. Ah, oh, genre à 14 ans, c'est le mec qui est déjà daron. Attends, il est balèze, il a du super sperme. Non, mais cela dit, ça peut fonctionner, hein. Ça commence à quel âge? Je crois qu'à partir de 11 ans, tu peux. Hein. Ouais, 12, ouais, 12 ouais, à peu près. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, très bien. Ok, comment elle s'appelle, ton ami Daron, enfin, ami Daron, on ne sait pas comment on peut l'appeler, mais... Chantal. Chantal. Ah, ça, c'est du prénom. Tu peux l'appeler Chonchon. Chonchon, très bien. Bah moi je vais pas l'appeler parce que moi je vais être le père de la meuf que t'as mise en cloque. Hein. Donc si tu veux, je vais pas ouais. être forcément tendre, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Alors comment s'appelle la meuf a priori la meuf que t'es censée avoir mise enceinte? Sophie. Donc Sophie, on va dire qu'elle a 18 ans, comme ça elle est plus vieille que toi et puis elle est tout juste majeure, mais au moins le père peut quand même encore gueuler. Donc moi je fais le père. Polo fait le meuble et Toff fait le chien. Voilà. C'est ce que je fais le mieux, ça le meuble. Ça me paraît pas mal. Pour toi, ça va pas être compliqué. Hein. Bah non, non, c'est... non, bah pour Polo, ça ira. Et puis, bah Sandro fera Sophie au besoin. Hein. Ça va, Sophie, c'est bon comme prénom? Ouais, ouais. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, pour le coup. Hein. Très bien, on y va, c'est parti, on l'appelle, bonne chance, tu vas jouer pour repartir. Eh ben, soit avec le Samsung Galaxy Tab 3, soit la Nintendo 3DS XL, qu'on offre d'ailleurs toute la semaine. C'est parti, t'es prêt? Ouais, c'est... Allez, bonne chance, Renaud, sois bon, hein. Ouais. En fait, l'idéal, c'est que toi, t'es en train de... Vous venez de discuter avec, avec Sophie. Ouais. Elle vient de t'annoncer que, qu'elle est enceinte, d'accord? Ouais. Toi, tu préviens donc ta copine Chantal, qui est comme ta mère, etc. Et pendant ce temps-là, Sophie est censée me prévenir, moi, en bas dans le salon. Donc toi, t'es dans la chambre de Sophie et elle est dans le salon avec moi. Et donc, pendant que t'es en train de parler, moi, je vais débarquer en tapant sur la porte comme un ouf, je vais vouloir te tuer, enfin bref, une histoire. D'accord? Ok, ça marche. Bon, allez. Bon, bah, c'est parfait. Allez, on y va, c'est parti. Et bien sûr, la porte sera fermée à clé, il faudra que tu m'ouvres, je vais défoncer la porte, enfin bref, on s'arrange. Et à la fin de l'histoire, tu meurs, mais un détail. Bah, peut-être, on verra bien. Allez, c'est parti. Oui, allô? Allô, Chantal? Oui? Oui, salut, c'est Renaud. Ah, Renaud! Ah, Chantal, oui, mais j'ai besoin de toi, là. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vois, ben, à l'escalade, j'ai rencontré une fille. Et ben, elle est plus vieille que moi. Et donc, du coup, ben, voilà. Et ben, le problème, c'est qu'elle est... Et ben, elle attend un bébé. Comment elle attend un bébé? Ben, de moi? Ouais. Voilà. Mais je sais pas comment l'annoncer à mes parents. Non, Chantal, sérieusement, Chantal, j'ai que toi pour m'aider. Mais je viens te chercher, qu'est-ce que tu veux que je te ramène chez toi? Non, j'ai besoin que tu m'aides parce que j'ai besoin de toi, franchement, j'ai peur. C'est pas rien qu'on peur, mais c'est peur. Ben, attends, laisse-moi réfléchir, là. Attends, bon, froid, là, comme ça. Il faut qu'ils disent que le père va arriver. Je vais t'aider, il n'y a aucun souci, tu le sais très bien, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. Quel âge elle a, cette fille? Elle a 18 ans. Ouvre la porte! Attends, il y a son père qui frappe. Ouvre la porte! Chantal! Ouvre la porte ou je la défonce! Attends. Je vois pas. Ouvre la porte ou je la défonce! Non! Allez! Non! Ouvre la porte! Mais où tu es, Renaud? Non! Mais chez elle! Ouvre la porte ou je la défonce! Non! Donne-moi l'adresse! Mais je la connais pas! Ouvre la porte! Papa, arrête! Allez! Famille. Mais je le connais même pas, je la connais pas. Enfin, qu'un peu. Qu'est-ce que ça veut dire ce bordel là? Non, il me fait peur. Hé hey, regarde-moi dans les yeux avec qui t'es au téléphone. C'est je peux pas te le dire. Comment ça tu peux pas me le dire? Non, c'est quoi ce bordel avec la petite que t'as mise enceinte? Non, je peux pas. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Comment ça c'est pas toi, c'est pas vrai? Elle vient me dire l'inverse. Non, c'est pas moi. Elle vient de me dire l'inverse, pourquoi est-ce qu'elle me mentirait? Non, mais je sais pas. Renaud! Je sais pas. Toi! Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Mais j'en sais rien. Comment ça t'en sais rien? Est-ce que vous avez déjà couché ensemble ou pas, comme elle le dit? Non. Mais attends, ne vous énervez pas, monsieur. De toute façon, il y a des solutions. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec ça? Avec qui t'es au téléphone? Non, je peux pas vous le dire, monsieur. Passe-moi le téléphone. Voilà, tenez. Allô? Une blague, là. Qui est au téléphone? Qui est au téléphone? Une charmante jeune fille. Une charmante jeune fille? Oui. Est-ce que c'est vous la mère? Ah non, je suis pas la mère. Maman, je suis une amie de cœur. Vous êtes une amie de cœur. Bon, écoutez, je sais pas du tout qui vous êtes par rapport à Renaud, mais là, il y a vraiment un gros problème. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de sa mère? Écoutez, ou de son père, enfin, peu importe. Écoutez, calmez-vous, c'est pas la peine. Comment ça, calmez-vous? Je viens d'apprendre que ma fille est enceinte, elle a 18 ans. J'ai 13 ans, donc écoutez, voilà, c'est pas dramatique. Ah, vous trouvez pas ça dramatique, vous? Ben non, évidemment, c'est beaucoup plus facile, c'est lui qui a mis la graine. Ah ben non, mais il vaut mieux ça qu'un cancer, croyez-moi. Ah croyez-moi. Oui, effectivement, il vaut mieux ça qu'un cancer, mais quand on a 18 ans, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que quand on a le choix, on peut se permettre de ne pas de préférer ne pas être enceinte. Ah mais c'est sûr, vous auriez dû lui faire l'éducation sexuelle, monsieur la maître. Ah, parce que c'est ma faute. Ah ben, quelque part, oui, l'éducation des enfants, ça tient aux parents, et bon, peut-être vous l'avez pas fait. Non, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule. Ah non, je me fous pas de votre gueule. Non, mais c'est-à-dire que j'apprends là ce soir par ma fille que votre fils ou je sais pas qui là, votre neveu, enfin je sais pas qui vous êtes, a mis enceinte ma fille et vous dites que c'est ma faute. Non mais calmez-vous, c'est pas la peine de vous mettre dans ce sujet. Ah ben non, évidemment, ben ça vous dérange pas, vous êtes pas future grand-mère. Ça ne me dérange pas, non, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on s'énerve ou pas, ça change pas le problème. Mais je m'énerve pas. Ah ben oui, d'accord, ok. Vous savez, je travaille en psychiatrie, donc vous arriverez pas à m'énerver, je suis habituée. Mais je compte pas vous énerver, moi ça change absolument rien à ma vie que vous soyez énervé ou pas. Je fais quoi maintenant avec le petit ou la petite ou je sais pas quoi qui va arriver là? De toute façon, vous n'avez rien à faire, son choix c'est elle à le décider. Non mais dis donc, vous voulez pas que je m'installe sur votre canapé là? Sur mon canapé, non, franchement j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc non, c'est bon. Non mais par rapport au fait que vous faites de la psychiatrie, c'est ça que je voulais dire. Ah non, pas du tout, mais je suis pas psychiatre, oulala, loin de là. Mais bon, je travaille en psychiatrie, donc voilà. Bon, on fait quoi là? Ben on fait quoi? Ben, est-ce que vous pouvez me donner le numéro des parents? Que je puisse au moins les contacter, parce que bon, il y a un moment, faut quand même pas déconner. Non, le numéro des parents. Non, je pense pas que dans cet état, vous soyez à même de les contacter. Mais je suis très calme. Ah oui, je vois. Il y a des solutions, je vous ai dit. De toute façon, c'est à elle à prendre son... Ah, il y a des solutions. Mais moi, j'en ai une toute faite de solutions, là. Tiens. Merci. Oh, l'autre il craque du retard. Vous pouvez me donner votre nom de famille, monsieur? Tiens, tu peux récupérer ta tante ou ta mère au téléphone, là, je vais m'occuper de la petite. Ok. Chantal, c'est un malade. Ouais, mais je vois, ouais. Non, donc mais tu m'aides, là. Hein? Non, Chantal, aide-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je veux bien, mais... Mais c'est un fou. C'est un fou. Ah, il est malade. J'avais la vie. Chantal, il va faire péter la maison. C'est mon retour, hein, pour ça quoi là? Chantal. Bon, arrête de rire, je suis en train de me faire tuer. Je te connais, je pense que tu connais ton nom. Chantal, arrête de rire, je vais me faire tuer. Mais c'est bien, super, je te félicite, nickel, tu as fait un bon montage là. Mais ne rigole pas, Chantal. Mais, je vais pas pleurer, hein. Tu crois que j'ai ça à faire, de rigoler avec la mort? Depuis qu'il tire, il t'a raté, il t'a toujours pas eu. Ok, il est mauvais. De quoi? Mais non, il tire pas sur moi, il tire sur sa fille. Tu as peur, Chantal. Il n'y a plus de problème de moufler, alors. Oh là là, série B, là. Va Z, il a même. Pas raté, là. Chantal. Ouais. Aide-moi. Oh, Renaud, t'es mauvais, hein. Oh, putain. Il n'y a aucune blague, Chantal, hein. Non, Renaud, c'est bon, il faut le dire, c'est fini à un moment. Viens, on le découpe à la tronçonneuse pour voir. Ouais, bah, tu sais quoi, on va le faire. De toute façon, il a été mauvais. Attends une seconde, là. Hop là, on va directement le sortir. En petit tube. Ouais. T'as vu, Renaud, t'as été mauvais. Il fallait mieux préparer. Quoi? Il fallait mieux préparer. Bon, Chantal, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio et donc il voulait gagner un cadeau. Malheureusement, ils viennent passer à côté. Hein. De par ta faute, Chantal. Voilà, hein. De par ta faute. T'aurais au moins fait un peu la comédie style, t'allais y croire. Il aurait pu repartir avec une tablette Samsung Galaxy Tab 3 ou une Nintendo 3DS XL. Et bah là, il va falloir lui payer, Chantal. Ah ben merci, hein, Chantal. Et ben voilà. Mais j'ai cru au début, j'ai eu peur. Oui, bah alors ça a duré 30 secondes. Après, mais c'est une blague. Vous êtes malhonnête. J'ai demandé l'adresse, où, dans quelle ville tu es, le nom de la famille. Bon, après, vous connaissez pas le nom, donc bon. Ouais, ça, et après, hop là. Bon, Chantal, tu sais quoi? Je vais t'envoyer l'extrait du canular et tu vas voir. À mon avion, c'est pas marré. Et du coup, bah oui, parce que Renaud a été mauvais. Il a été mauvais, qu'est-ce que je vous dise, moi? Bon, Renaud, on va comme tu filer un pack fun. Au moins, t'es pas venu pour rien comme ça. Ouais, comme bon. D'hab. Bah ouais, comment ça comme d'hab, t'en as déjà eu un? Ouais. Ah bah alors t'en files pas alors. Ah bah alors tu repars les mains vides. Ah bah voilà, sinon on peut t'offrir un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, ou alors mais pour je Chantal, pense qu'il est un peu jeune pour un sextoy. Eh Chantal. Oui. Un petit sextoy. Allez, pourquoi pas. Eh bah voilà, tiens, un petit sextoy pour Chantal, très bien. Bon, allez, salut vous deux. Au revoir. Ciao. Au revoir. Oh. Qu'est-ce qu'il a été mauvais, Chantal. Mais qu'est-ce qu'il a été mauvais. Non mais attendez, j'imite Renaud, alors attention. Aïe. Ouais mais c'est parce qu'il fallait le temps que la baffe arrive jusque chez lui. Ah oui, c'est vrai, le truc arrive avec qui arrivait avec du retard. Il y a Echo sur le Twitter, il a pas été mauvais, il était très mauvais. Il y a Roms aussi, il est trop mauvais en plus avec son Chantal, aide-moi. Oui, j'avoue. Il y a William aussi, comme il est mauvais le Renault. Il y a Pierre également là, ça c'est quoi? Ah non, c'est Vipelière. Il joue trop mal le mec du canular, mais heureusement que tu rattrapes tout. Bah, j'ai fait ce que je pouvais, hein, Vipelière. Colline aussi, et Chantal qui est toute calme, mort de rire, ça me tue. La petite fée qui était mort de rire, tant mieux. Le Doc Coco aussi, il crie après deux heures la claque. Mais oui, mais c'est ça qui est ouf. Ça me tue, je me pisse dessus, sérieux, à mourir de rire. Bah merci. Et Mélanie aussi, elle tombe dans le panneau, c'est facile. Et Sony H qui est trop bon le canular. Bah on a fait ce qu'on pouvait en tout cas, mais c'est pas toujours facile, je vous le dis. Si vous voulez vous inscrire pour faire un canular, bah la semaine prochaine, hein, n'hésitez pas, hein, parce qu'on sera là aussi évidemment, dimanche 20h minuit. Et toute la semaine prochaine de 23h à 2h, comme tous les soirs d'ailleurs. Hein. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou alors depuis votre portable, hein, pour vous aussi envoyer MIKL par SMS ou vous envoyez votre message au 64 900. On va donner la réponse à la colle dans quelques minutes. La colle avec Théo, on va récupérer Elodie, on va également récupérer Gadjik et Hassan pour parler d'énervement. Et puis on va également aussi reprendre Kalissa, la voyante, pour faire un petit... Alors comment on appelle ça encore, un thème. Un thème, non, c'est ça? Un tirage. Ah. C'est fait des cartes. Un tirage sur la vie de Toff. Et si vous voulez, alors on fait un ou deux gratuits pour des questions auditeurs. Sur ma vie. Avec plaisir. Voilà, donc si vous voulez vous aussi faire un petit tirage avec Kalissa, donc n'hésitez pas, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 avec plaisir. Bon, on va revenir là, on est au cœur de la nuit sans pub, il est minuit 23. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a Antoine qui dit salut à tous, vraiment mauvais acteur de ce soir. Oh bah ça arrive. Allez, on écoute Jubal maintenant, c'est Klingan sur Fun Radio. Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et restez bien là également, je vous cale dans quelques minutes. Un de mes sons préférés, Clean Bandit avec Rather Be. Eh ouais, on va se mettre bien là, Clean Bandit arrive, il y aura aussi Afrojack avec Ten Feel Tall et puis les Daft Punk. On va se mettre plutôt pas mal. Et si vous voulez écouter les sons, bah vous demandez, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a un message qui dit à cause de vous, j'ai réveillé mon daron. Il me casse les couilles. Bah oui, c'est normal. Élisée, va trop marrant le canular de raté. Vous voyez, ça arrive, hein. Il a pas été bon acteur, ça arrive. 69 degrés qui dit mort de rire, qu'il est bon le canular. J'adore Sandro qui crie papa, non. Et le Doc Coco également, sa gueule de partout. Il était trop fort le canular. Il y a Val Léa encore une fois sur le Twitter. Je respecte ceux qui n'écoutent pas Mickaël, mais si t'écoutes pas Mickaël, on va te péter la gueule. Oui, c'est normal, violence. Voilà. Et Cassandra, ah oui, alors Cassandra, c'est l'histoire. Donc c'est la fille qui s'est engueulée avec son mec. Ouais. Et on a demandé pourquoi. Donc elle a répondu toujours via Facebook que en fait il ça a gueulé parce qu'elle est rentrée en avance et qu'elle avait pas prévenu. Pris le train et qu'elle avait pas prévenu. Et donc Cassandra qui, et donc on avait dit fais attention parce que s'il te gueule dessus parce que t'es arrivé en avance, il y avait peut-être un truc bizarre. C'est ça, normalement il aurait dû être content que t'arrives en avance. Voilà, c'est ça. Et donc là, ah, ça se confirme, ça confirme mes doutes. En fait, il parle à plusieurs filles et il va sur des sites porno, mais moi j'ai beau tout faire pour lui faire comprendre que j'ai envie de lui, mais il me dit non, même en dormant nu à côté de lui. Est-ce normal que mon copain regarde des pornos et parle à plusieurs filles mais qu'il refuse d'avoir des rapports alors que je lui refuse rien de ce côté-là? Écoute Cassandra, je pense que c'est un connard, je pense que tu peux venir. Voilà, je pense. Viens à la radio, tu seras nu à côté de Polo. Voilà, ou sinon moi elle peut se mettre nu à côté de moi, je m'occuperai d'elle avec plaisir. Là-bas. Ouais, non, ça pue de ton côté là. Ici c'est une bombe de meuf à se mettre là. Bon, qui regarde des sites porno, ça reste un mec. C'est pas très grave. Ouais, faut bien que... Voilà, c'est pas très grave. Maintenant qu'il n'ait pas envie de toi, oui, là, il y a un problème. Et qu'il discute avec d'autres... Bah, qu'il dispute avec d'autres meufs, c'est pas grave. Ça dépend de ce qu'ils se disent. S'il fait des simulations ou des trucs bizarres, oui, c'est peut-être un peu bizarre. Mais après, ça reste que de la discussion. Mais le fait qu'il n'ait pas envie de toi alors que t'es là, que tu le chauffes, que t'es du genre à côté de lui à walper et qu'il te dit que non, à côté de ça, il va se branler sur des sites porno et il discute avec d'autres meufs, ouais, là, il y a un problème. Mais après, si vous aviez des relations normales et qu'il aille quand même voir des sites porno, oui, c'est un mec, oh, c'est pas grave. C'est comme un mec qui se branle même s'il a quelqu'un, c'est normal. Oui, bah voilà, c'est ça, mais bien sûr. C'est un autre plaisir. C'est exactement. Il y a Benji qui dit mais il joue trop mal et le prince Nedia qui dit tu me prends à froid comme ça, c'est vrai que c'est mieux quand tu es chaude, sacré Chantal. Ah oui, ça c'est sûr. Et la friterie Elba qui dit c'était pour rire le top Facebook Mickaël. Ce 31 mars, je fais les 19 ans du snack. Vous serez les bienvenus à vous et à toute l'équipe. Je retourne nettoyer en vous écoutant. Ah, c'est quand le 31 mars? Ça tombe quel jour ça? 31 mars, c'est alors, un 31 mars. Oh, je vais venir me gaver de Dorum moi. Attends. Oh là là. Le 31 mars, ça tombe un lundi. Ah ben on pourra pas venir, on travaille malheureusement. Mais merci pour l'invite. Et Colin, c'est grâce à une pote, à moi que je vous écoute. Je regrette pas, vous me tuez grave. Putain, vous êtes des ouf. Merci Colin et merci ta copine également. Là, continue à passer le message. D'ailleurs, autour de vous, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Tous les soirs, 23h-2h du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. D'ailleurs, on sera de retour le dimanche à partir de 20h sur Fun Radio et toute la semaine prochaine avec des cas. On aura des casques de DJ à vous offrir et on aura également des tablettes Surface, les tablettes Windows là, tu sais avec le celles qu'on voit dans la pub là où on peut mettre un petit clavier directement, tu mets un clavier oui, et puis t'as ça. Un clavier ultra fin etc, et en fait t'as un PC portable en gros, un PC portable cool. Mais version tablette ultra fine, donc on aura l'occasion de vous en offrir la semaine prochaine, soyez bien à l'écoute de Fun. Bon, on va donner la réponse à la colle, il est minuit 30 là, on n'est pas en avance. Théo, t'es là? Ouais. Très bien, hop, on y va pour la réponse à la colle. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, il ou elle gagne. Si jamais elle décroche pas ou qu'elle donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne Théo. Et il n'y a plus de Nintendo 3D. Allô, bonjour. Oui. C'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Cécilia, salut. Oui. Cécilia, t'as quel âge, dans quelle ville? 17 ans vers Lyon. 17 ans vers Lyon, très bien. Alors Cécilia, il y a Théo qui a une colle à te poser. Oui. Donc, il suffit d'un oui ou d'un non pour que nous nous séparions. Qui sommes-nous? Mes lèvres. C'est ça. Eh ben bravo Cécilia là. Hop là. Alors toi malheureusement, t'aurais choisi quoi toi, dis donc, si tu pouvais choisir entre le Samsung Galaxy Tab 3 et la Nintendo 3DS XL? Bah je savais pas trop en fait. Eh ben je sais pas, décide-toi. La tablette? Non, bah tant mieux, ça m'arrange parce qu'on n'a plus l'autre. Donc je t'avoue que ça m'enlève une épine du pied. Ouais, voilà. Eh ben voilà, la tablette Samsung Galaxy Tab 3 pour toi, Cécilia. Je peux faire une dédie? Allez, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Bah, pour mes cousins. D'accord. Et il y a mon cousin, Terence, il aimerait bien faire une pseudo à taf. Mais avec plaisir. Ah bah grave. Je vais te chier à la gueule moi, tu vas voir. Eh bah voilà, tout d'un coup comme ça, nickel. Moi j'adore qu'on m'écarte les fesses. Mais j'imagine. Bon bah, salut Cécilia, je t'embrasse, à bientôt. Salut. Salut, ciao à toi. Eh bah désolé Théo, hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. Bon, à bientôt, il reste à l'écoute de Fun, on va te repasser Sandro au standard pour prendre tes coordonnées et t'envoyer un pack Fun au moins, d'accord? D'accord. Salut Théo. Salut tout le monde. Ciao, à bientôt Théo, bye bye. Alors il y a déjà Florian et Mohamed qui voulaient poser une question à notre ami Kalissa qui est avec nous, hein, la voyante qui était passée à l'antenne il y a 2 semaines je crois, un truc comme ça. À peu près oui. Ouais, à peu près 2 semaines, qui avait fait le thème de Toff. Oui, je lui avais fait un tirage. Un tirage, exactement, oui. Et alors, ça parlait de quoi le tirage? Bah, on peut le faire maintenant, tiens, allez, on fera les appels de Toff juste après. Alors, hein. Commençons par ça. Petit tirage, donc. Bon, et voilà, c'est ça. Je vais au bord du tapis, parce qu'elle a mis son. Ah, c'est tapis, vrai qu'il y a un tapis, hein. Tout est là également. Ouais, non, il y a un tapis. Ah, ça va être génial. Bah, oui, je. Donc, je on fait l'amour, Toff, c'est ça? Voilà, on fait l'amour. On discute pas un peu avant? C'est drôle, ça, dis donc. Ah, oui, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Alors. Ah, c'est pas la musique, merci. Oui, bah écoute, je suis désolé, c'est alors, ce que j'avais. Alors, je coupe. Alors, je mets les cartes. Oui, tu coupes en deux, s'il te plaît. Allez, alors, attention. En deux, voilà. Voilà, Toff coupe les cartes en deux. Coupe les cartes en deux. Alors, il y a la carte de la roue de fortune qui sort. Je vais être riche? Là, on parle de l'amour. Mais roue de fortune, effectivement, tu vas être riche en amour. Oh, génial. Fond, oh, ça veut dire quoi, riche en amour? C'est-à-dire que je vais baiser cousin battu? Ah, arrête. Non, la carte de la roue de fortune, ça va parler, si tu veux, d'un changement. D'accord. On te met la carte de la justice en contre. En ce moment, sur le plan amoureux, t'es dans une perte d'équilibre totale. Ah oui, là-haut, là, je vais glisser. Ah ouais, ouais, voilà. Là, ouais. Donc, avec la roue de fortune, il va y avoir un changement. Ça va évoluer au niveau affectif. D'accord. Tout à l'heure, on avait commencé un petit peu. Et j'avais la carte de la maison Dieu. La carte de la maison Dieu, c'est une dispute, ou je te dis, une discussion assez intense, en fait. D'accord. Tu vas me tirer 4 cartes, s'il te plaît. Alors, 1, 2... Alors, la carte du pape, ça parle de concrétisation. 3... Attention avec le diable en contre. Hein, et 4. Il y a le diable aussi. Ouais, il y a le diable hein, qui sort toujours avec moi. Pour toi. Ah oui. Ah bah effectivement, oui, ça. C'est le côté un petit peu vice, un petit peu. Voilà. Moi, du vice ah, non, non, jamais ah, non. Lui. Mais oh là là, quelle voyante de merde. Il n'est comme lui. Oh, bah, mais lui, du vice, mais jamais. Moi, c'est bien la preuve. Une charlatan. Mais oui. Moi qui suis. Une charlatane, déjà, on dit. Charlatane. Je ne suis pas une charlatane. Moi qui suis la justice incarnée. Alors la carte du diable, et si je te le dis et je te le répète, excuse-moi, mais c'est le côté physique, une attirance vers quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc on sent que t'es un petit peu entre deux. Tu vas aller vers une concrétisation, tu vois la femme, elle est là, elle ressort avec la carte de l'impératrice. Mais elle ressort elle quoi pas de très lui bonne, ou quand même, hein. Oh bah elle est jolie. Bah tu trouves pas ? C'est des tarots, c'est pas une photo, c'est pas ta photo. C'est pas ta photo. Ah pardon, j'ai cru que j'avais serré. Oh là là, qu'il est con lui alors, je te jure. Je crois que c'est elle qui veut. Et encore une fois, la carte de la route fortune. Donc pour moi, au niveau amoureux, là, tu vas passer un stade en fait assez ah ouais important. Je vais passer un cap. Oui, tu passes un cap ainsi important d'un statut un peu ambigu à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus sérieux avec la carte du pape qui peut représenter un mariage ou une concrétisation par signature. Ah, pardon, j'ai cru que c'était mon coming out, ça, mais non. Il va se marier le chien. Mais donc, alors beau, c'est ça. Concrétisation par signature, ça peut être par rapport à un appartement, ça peut être un pacte ah, aussi. D'accord. C'est pas tout, pour tout de suite. Et hein, un pacte avec le diable, ça marche aussi ou pas? Oui, le pacte avec le diable, pourquoi pas, oui. Oh, tu l'as fait il y a longtemps, hein, Tof. C'est ça, j'ai bah, déjà vendu. Qu'il avait pas de vis. J'ai déjà vendu mon âme. Non, simplement la carte du diable, c'est que pour l'instant t'es un peu entre deux. T'es pas prêt encore pour l'instant à t'engager, mais ça va venir. Ça va venir parce qu'elle a réussi à accrocher ton cœur. Oh, oh, elle existe, so elle est là, là. Elle est là. Elle ressort, hein, la femme, elle ressort là immédiatement, donc à plus ou moins 2 mois, oui. Pour moi, t'es déjà en relation avec elle, mais non, t'es pas encore dans quel concret. Bâtard, et tu nous caches espèce ça. Espèce de menteur, et tu nous invites pas à manger du thé, de boire un thé, des gâteaux avec madame. Tu veux que je fasse ça où Bah chez toi, chez bah elle. Oui, c'est ça, n'importe et l'enfant, attends, excuse-moi, moi l'important c'est l'enfant là, parce que moi je veux voir ça, je veux voir la gueule du gosse là. Il ah bah là, désolé, je peux pas savoir à quoi ah, il pardon. Va ressembler. Non mais est-ce qu'il va, il est là, il est prêt, il va le préparer. Là il ressort pas dans le tirage ah, parce qu'on merde. Parlait d'amour. Ouais. Mais effectivement la dernière fois, quoique regarde, en plus tu vois, si des bêtises, il est là. La carte du l'enfant patient, c'est la carte de l'enfant. Donc il ressort encore une fois. Hein. Il va s'appeler donc, comment? Je suis désolée, apparemment, ce que j'ai compris, t'es pas trop pour être papa. Ah, si, si, oh là là, j'en rêve. Ça va t'arriver. Hein. Ça, je te le garantis, sur l'année 2015, il y a un début de grossesse. Ça, c'est sûr. Oh, on va être bon là, avec le teuf en daron. Waouh! Ah, non. Classe! Ah, non, mais si, étant mec, ça arrive, c'est pas comme toi ça. Qui décide, hein, c'est moi, je pense c'est que ça. C'est le plus sérieux de vous tous ici. Hein. Comment ça? Non mais là c'est pas possible, je peux pas te laisser dire. Attends, je suis avec de métier, c'est non, ça. Non, mais oui, non mais là oui, là je peux pas te laisser dire ça. C'est-à-dire que comment tu peux dire que le mec lui est le plus sérieux? Non mais peut-être je suis avec lui depuis 15 ans. Non mais attends, mais peut-être qu'il nous montre un côté, le côté ouais. Bouffon, t'as de merde, ça garde ses têtes ah, d'enculé là, tout ça. Le côté enculé, sac à merde, tu sais le mec. Ça... Ouais. On peut faire un vrai, vrai tirage côté... mais non. C'était le vrai tirage. Non, mais ça, je m'en fous là. Moi, je veux savoir si je vais gagner ma vie un jour. Ouais, attends, on va le faire le mien sur l'amour. Ouais, toi, t'es un enculé, tu vois. Alors que je n'ai jamais trompé ma meuf. Ah, ni bah elle, voilà, ni l'autre. Je sais déjà que t'as une meuf maintenant. Ah bah, voilà. Bah oui, mais bon, c'était pas ça le concept de la voyance. Tu donnes toutes les infos et après tu les redonnes. Non, ça, c'est le mec concept avec sa boule de cristal. Un vrai voyant, normalement, c'est comme je viens de faire, c'est prénom, date de naissance et je fais le tirage, je dis ce que je vois. D'accord, voilà. Ok, très bien. Voilà. Parce que si je commence la voyance en te disant alors Mickaël, donc tu es marié, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, voilà. Donc je ne te vois pas marié. Voilà, c'est ça. Ah non, ça pour le coup, t'as raison. Mais voilà. Bon, alors, fais le mien juste. Et après, il y a Mohamed et Florian qui sont aussi dans les starting blocks là. Oh là, des hommes, que des hommes, c'est ça. Mais que j'adore. Des mecs, oui, que du mal. Eh, venez les girls, là, on va voir si vous allez pécho du mal. Exactement, mais Tof est sérieux. Ouais, ouais. Non, là, mais si, mais peut-être dans le fond. Tu vois, c'est ça parce qu'il nous montre, il fait le fier à bras. Ouais, moi je me dis ça. Mais dans le fond, en fait, c'est un petit cœur oui, qui c'est saigne. Ça. Exactement, les filles, vous entendez ce que dit Polo? Je sens que mais je oui. Ce week-end, moi. Mais c'est ça, c'est ça. Bon, alors du coup. Donc, pour Mickaël. Donc tu vois, il y a la carte de la justice qui ressort en positif, c'est toi, donc là c'est le contraire de Tof pour tout à l'heure. On sent qu'effectivement tu es plutôt dans quelque chose d'équilibré. Par contre avec la carte de l'étoile en contre, je sais pas depuis combien de temps tu es avec ton ami. Alors attends 2 secondes. Tu vois, t'aurais pas dû lui demander. C'est un homme. Non, alors, je confirme pas que non. La carte de l'étoile en compte, si tu veux, c'est comme si on me disait que t'étais pas forcément, la personne avec qui t'es, c'est pas forcément une âme sœur, ou tu vois, vous devez être très différent. C'est-à-dire que vous devez faire des efforts pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir vous comprendre. Vous êtes pas une âme sœur. D'accord. Non, on doit faire des efforts parce qu'on habite pas dans le même pays, donc c'est ça l'effort à la base. Donc si tu veux la carte de l'étoile en compte, elle indique que voilà, la relation n'est pas forcément simple, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais c'est quand même une relation qui a des bonnes bases avec la carte de la justice. Par contre, il y a beaucoup la notion de solitude qui ressort. Donc je sais pas, vous devez pas vous voir assez souvent. Ah, ça, enfin, c'est y a sûr. Quelque chose comme ça. Non mais c'est vrai, elle est vraiment à l'étranger. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Et bon bah, il va falloir vous rapprocher. Idée, j'habite en Belgique, elle habite au Luxembourg, j'habite à Paris, donc et je travaille à Paris, donc tu vois, ça te donne une idée donc comme ça. Un petit peu. Donc on voilà. sent qu'il y a le côté solitude qui ressort. Voilà, il y a ce côté-là à travailler peut-être. Faut qu'il y en ait un des deux qui déménage. Bon, et l'enfant, c'est le mec qui veut. Ouais, c'est ça. Je vais être daron. Il voit des enfants partout. T'sais. Putain, moi depuis 25 ans, je vais être père. Je suis toujours rien là. Écoute, ce qu'on fait. Hein, c'est qu'une fois que je l'ai, je te donnerai. Non, je veux pas qu'il ait ta tête, il est sérieux, il est ouf. Quelle horreur. Alors, l'angoisse. Est-ce que Mickaël va avoir un enfant? Vends-le au moins. Bah oui, l'angoisse. Je te ferai un bon prix, t'inquiète. Non, mais va te faire foutre, j'en veux pas moi, laisse tomber. Non, il est ouf. Bah oui, c'est ça, non, mais il est ouf lui. Je le vois pas tout de suite et effectivement c'est pas du tout le bon moment pour l'instant. Ouais, mais c'est jamais le bon moment là, j'attends, c'est jamais le bon moment. Bah je suis désolé, hein, c'est ce que disent les cartes. Hein. Mais je les emmerde, les cartes. Moi je demande pas, j'ai peur de la réponse. Ouais, si lui va être daron aussi, alors là on aura tout vu. Hein. Bon, alors on va faire le reste après. Alors Mohamed, et vous bougez pas, il y aura Elodie aussi avec nous là. Salut Elodie. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va plutôt pas mal, Elodie. Oh, elle est douce. Et ouais, mais après elle va encore te sortir un truc comme avant-hier. Bon, Elodie, de quoi on va parler avec toi dans quelques minutes? On va parler qu'en fait c'est ma cousine qui a couché avec mon... J'entends rien parce que tu mets quitte ma libre ou le haut-parleur, du coup on comprend que dalle. Non, c'est un problème avec mon téléphone. Non, ouais, c'est encore pire. Bah attends, on va changer de téléphone, Elodie, parce que là j'ai l'impression que tu fais du rap là. En attendant, il y a Hassan et Gadjik dans quelques minutes qui vont débarquer pour parler des énervements. Vous êtes là les mecs? Ouais. Très bien. Bon, salut à toi, salut à vous même. On va parler avec vous d'énervement juste après le son de Clean Bandit, d'accord? D'accord. Parfait, allez, bougez pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il est minuit 41 sur Fun Radio. Allez, restez là, il y a les appels de Tof dans quelques instants. Et puis, tous vos messages en direct, hein, 01 42 48 5000. Pour les SMS, vous envoyez MIKL au 64 900. Et puis, sur le Facebook, vous nous rejoignez. Tapez MIKL officiel. C'est au cœur de la nuit sans pub sur Fun, bienvenue. No place I'd rather be. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, nos limites, nos limites. Mickaël, sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio avec Alissa, toujours la voyante, l'auditrice qui était passée nous voir la semaine dernière, enfin qu'on avait eu au téléphone plutôt, et même il y a deux semaines. Et donc du coup, voilà, elle a fait le thème de Tof, hein. Oui, un très beau thème, les enfants, la famille, le mariage, enfin tout ce qu'il a pas envie, donc c'est pratique. Il y a Mohamed et Florian dans un instant aussi qui vont faire leur thème. Et puis Hassan également de Chartres, t'es là Hassan? Hassan est parti, c'est très bien. Gadjik également de Seine-Maritime, salut Gadjik. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, on va faire les appels de Tof dans quelques minutes, mais toi avant tu voulais parler de l'énervement, puisqu'on en avait parlé en début d'émission, donc un couple dans l'Oregon qui est rentré dans une pizzeria un peu éméchée. Le patron les a foutus dehors parce qu'il sentait que ça allait foutre la merde et qu'en plus de ça il était à l'heure de la fermeture. Du coup, le couple foutu dehors revient et a voulu par énervement foutre le feu à la pizzeria. Et donc je vous avais demandé ce que vous aviez déjà fait par énervement, que vous avez probablement regretté par après. C'est quoi chez toi, Gadjik? Moi j'étais en primaire. En fait, il y avait un gars qui était en train de parler, derrière moi. J'ai cru qu'il était avec ses potes et j'étais en train de se marrer. Du coup, j'ai cru qu'il était en train de se foutre de notre gueule. Du coup, je les ai coursés. Le mec, je l'ai chopé, je l'ai défoncé. Après, j'ai su qu'il était juste en train de rigoler. Ah ouais, putain, toi t'es un grand malade quand même. Donc c'est-à-dire que toi tu t'énerves vraiment pour rien. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire que les mecs, tu sais même pas de quoi ils parlent, tu t'énerves. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme quand t'écoutes un petit morceau de conversation que tu imagines que c'est sur toi et du coup tu commences à t'énerver, à prendre la tête à tout le monde. C'est exactement le même principe chez toi, Gadjid. Bah ouais, un peu. D'accord, ok, très bien, mais ça va, et t'essaies de te calmer quand même un petit peu, Gadjik, là, non? Ouais, je suis calme. Oh oui, bah ça se voit, oui, ça on l'a bien vu. Attends, il y a Hassan aussi qui est avec nous. Salut Hassan. Salut. Ça va bien? Ouais, tranquille. Bon, très bien. Alors Hassan, toi, vas-y, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que t'as déjà fait par énervement que t'as regretté? Ouais, je devais être en CP ou quoi, tu vois. Ouais. Et avec mon frère, on se battait comme d'habitude. D'accord. Normal, alors c'est à ça que ça sert, un frère. Hein. Ouais, si tu tapes pas dessus, tu tapes sur qui? Bah voilà. Alors, il m'a vraiment énervé, j'ai vu son iPad, direct, je l'ai pris pour qu'il arrête de me faire chier, quoi. Je lui faisais des menaces et tout. Petit à petit, je recule et tout, je vais dans la cuisine. Alors, comme un con, je le mets dans le micro-ondes pour faire, si tu me fais chier, j'appuie et tout. Et il m'a poussé, j'ai appuyé comme une merde. Non mais Hassan, t'es sérieux? T'es un grand malade. Non mais du coup, il est foutu, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il t'a mis une patate ou il s'est passé quoi? Ouais, direct, je me suis barré en courant dans la rue à pieds nus et tout pour pas me faire défoncer. Ah mais c'est clair, attends, moi je t'aurais mis une tête au carré, mec. Ouais, j'étais con à l'époque. Ah ouais, mais t'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir 8 ans. 8 ans, ouais, bon, il y a 5 ans, ouais. Mais, waouh, putain, ouais, mais... Non. Ah ouais, c'était le premier iPad il y a 5 ans. Ouais, tout ouais, juste, ouais, bah, un peu ouais, donc t'avais 9 ans plutôt, hein, peut-être même 10, non? Bah, je sais pas. Ouais, un peu plus vieux quand même, hein, un petit peu. Bon, très bien, mais merci beaucoup, Gadget et Hassan, d'être passé là. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Avant de partir, je pourrais avoir un patron, s'il te plaît, parce que ça fait 1h30 que je... Ah, ça fait 1h30 que t'attends? Ouais. Ah, tu vas pouvoir un petit peu attendre. Voilà, on va tester encore 10 minutes en attendant, ouais. Et puis Sandro prendra tes coordonnées. Ok, vas-y, Hassan, ouais. À une seule personne, tu connais la règle, hein. Ouais, dédicace au collège Jean Moulin, Chartres. D'accord, voilà. Bon, on embrasse tout le monde là-bas. T'as prévu tes potes que tu passes à la radio ce soir sur Fun? Ouais, j'en ai pas mis 4 ou 5 là. La joie de vivre, c'est en option ou Oui, écoute, il est fatigué. Ouais, enfin, il a fait la pub à tout le bahut, alors forcément il est fatigué, c'est normal. Jean Moulin, ils sont pas heureux. Bon, et un petit message de bienvenue, tiens, pour tout. Attends, c'est quoi? C'est le collège Jean Moulin, c'est ça? Ouais. Attends, un petit message de bienvenue. Ah toute la famille, tiens. Alors moi, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Voilà, tout ça c'est pour le collège Jean Moulin, on embrasse tout le monde là-bas, y a pas de problème. Et c'est où? C'est à Chartres, c'est ça? Ouais, à Chartres dans le 28. Parfait, bon, on embrasse tout le monde. Merci à toi d'avoir appelé, Hassan, tu reviens quand tu veux. Hein. Je peux avoir un pack fan? Bien sûr, toi aussi, y a pas de problème. Toi, tu passeras devant Gadji qui a fait le malin. Ça se fait pas. Voilà, mais si ça se fait, tu vas voir. Hop, tu vas encore un peu attendre. Voilà. Et Hassan, toi, tu passes en VIP Platinum. Direct au standard. Hop, devant tout le monde. Voilà, je le prends direct. Voilà, tiens, hop là, Hassan, voilà, direct au standard. Hop là. Voilà, regarde. Voilà. Pour le pack fun. Hop là. Et pour l'instant là, Gadjik, qu'est-ce qui se passe chez toi? T'attends? Bah ouais. Est-ce que t'as fait le bouffon? Et voilà, et ça fait le malin. Voilà. Allez, salut Gadjik. Ici, au revoir Gadjik, à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, ciao à toi. Bon, allez, on va se faire maintenant le petit appel avec Toff, là, évidemment. Hein. Mais oui, allons-y. Puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle application pour aller chier chez les gens. Mais oui, qui existait pour géolocaliser les toilettes les plus proches, mais les toilettes privées, bien sûr. Hein. Ouais, c'est partager les toilettes. Le partage de toilettes. Et donc, on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de voir si. Je peux venir poser une petite crotte, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, on va appeler maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti. Allez. Et puis, juste après, on aura Afrojack, il y aura Daft Punk aussi à suivre. Et ça ne décroche pas. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de venir chier chez vous, madame. Vous êtes un petit connard. Ah bah non, madame, pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes un petit connard. Bah non, madame, je veux juste venir faire un petit caca. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Non, j'étais en communication avec votre femme qui n'est pas très polie. Voilà, je voulais savoir si c'était possible de venir faire un petit caca chez vous, monsieur, parce que là, j'ai la crotte qui pend. Que ça vous avez qui pend? La crotte, monsieur. Eh ben, je vais vous enculer, alors. Mais pourquoi vous voulez m'enculer, monsieur? Faut que ça sorte d'abord. Va te faire enculer, espèce de connard. Oh non, monsieur. Espèce de pédé, va. Oh non, monsieur, pas de ça entre nous. Chier, connard. Oh non, monsieur, c'est pas gentil. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à insulter les gens comme ça? En plus, il me dit d'aller chier, mais moi, je vais aller chier chez lui. Ben, c'est ça. Bon, on rappelle. Allez hop, c'est reparti. Bizarre quand même. Allez. Qu'est-ce qui branle? Vous m'emmerdez. Mais non, c'est moi. Allez vous faire voir. Oui. Espèce d'abruti, espèce d'idiot, espèce de con. Mais enfin madame, pas du tout. Allô. Elle a dû raccrocher à deux fois quand même. Tu t'es fait deux fois raccrochonner, doublette. Ouais, c'est beau quand même. Ouais, hey, c'était magnifique. Doublette de raccrochage au nez, dis donc. Depuis qui sait qu'il va être père, c'est plus le même. Ah, ouais. C'est plus le même. Il y a d'ailleurs un message qui est arrivé par rapport à ça. Tof, être daron, ça mérite une gifle. Mais c'est vrai. Ouais. Complètement. Il y a Marie-Kel qui dit vous êtes des bâtards avec le petit. Mais non, c'est normal. Alexandra sur le Twitter, au collège, un mec n'arrêtait pas de taper du pied sur ma table. Au bout d'un moment, je lui ai planté un compas dans la cuisse. Oh, ça doit faire trop mal. Ah oui, là, pour le coup, ouais. Oh, la violence, Alexandra. Je pense que la réponse n'était pas appropriée, mais. Mais c'est une réponse. Violent, ouais. C'est... Ouais, là quand même, ouais. Jonas aussi qui dit j'ai jeté une chaise sur mon frère car j'étais trop énervé. Ouais. Et puis, oui. Bien bon, normal. Voilà. Et Yanis qui dit moi j'en ai tellement eu marre de ma sœur, je lui ai pété le son pare-brise de sa CLA. Ouais, ça va, si elle a une CLA, elle peut se payer un nouveau pare-brise. Bah oui. Mais qui fait des raccourcis. Elle ira chez Carglass, puis on en parle plus. Bah voilà, exactement. Carglass. Remplace Carglass répare. Exactement, c'est là. C'est dans l'autre sens. Voilà. Dorine aussi qui dit sur un coup de nerf, j'ai giflé mon meilleur ami qui m'avait insulté avant. J'ai regretté aussitôt, il m'a fait la gueule pendant 3 jours. J'ai bien regretté. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et Christopher qui dit je peux avoir la musique d'anniversaire, j'ai 28 ans aujourd'hui. Oh, 28 ans. Bah il m'a eu plaisir. Oh, voilà. Et bon anniversaire pour les 28 balais aujourd'hui à toi, Christopher. Voilà. Allez, jusqu'au bout. Allez, bon anniversaire. Donc, il y a Mickaël aussi. Ah non, un message qui dit c'est Baptiste, Mickaël. Je suis nouveau, tu peux me laisser un petit message de bienvenue. Et au fait, fais-toi plaisir, sors-en un bon. Ah, bah si tu m'invites à sortir un bon, alors oui, alors attends une seconde. Tu veux un putain de message. Qu'est-ce que je peux te mettre celui-là, si mes souvenirs sont bons, n'était pas mal. Ça te plaît, cochon petit là. Enculé, écoute-moi bien petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Voilà, c'était en toute en toute sympathie et tu vois, lui par exemple, il peut s'énerver pour rien, je pense. Oui, il y a moyen, il y a moyen. Mais lui ne regrettera pas de s'être énervé à mon avis. C'est possible, c'est possible. Et Romain qui dit moi mon frère m'a foutu une épée dans le front car je l'emmerdais. Ah oui, une épée. Mais qu'est-ce que tu foutais avec une épée? C'est ça la question. Oui, de quel siècle nous parles-tu? Bah écoute, je sais pas. Tiens, c'est un croisé. Ouais, c'est ça, ouais. On va prendre. Alors, on va essayer de récupérer Elodie, là, si on y arrive en tout cas. Elodie? Oui. Oh, elle est douce. Et bah maintenant, douceur. Ça marche. Bon, Elodie, on parle de quoi avec toi, dis-moi? Je peux te faire un bisou? Non. Non. Ah. Alors, Elodie, vas-y, dis-moi. Mais en fait, ça s'est passé. Pendant le nouvel an, enfin la nuit du 31 au 1er décembre. Oui, c'est ça, la nuit du nouvel an, donc. Ouais. Et en fait, ma cousine, elle a fugué pour aller dormir chez mon mec. D'accord. Et je n'étais pas au courant, et le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient couché ensemble, en fait. Oh merde. Oh la garce. Et alors? Et alors, après, j'ai appris aussi qu'elle était enceinte de lui. Ah carrément là, en plus c'est fils de enculé, voilà, fils de putain même. Ah oui, complètement. Ah bah non, mais attends, c'est clair. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Mais c'est ce que tu aurais dû lui dire, hein. Non mais attends, moi j'aurais même fait ça. Et je vais te chier à la gueule, moi, tu vas voir. Ah bah ouais, attends, ça se fait pas. Et les mecs directement, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien être daron, ça marche pas. Apparemment là, et l'autre il met une cartouche, ça y est, jackpot. Ah, il y a des gens, ils sont forts quand même. Ah putain, ouais. Ouais, voilà, c'est ça en plus. Ah bah dis donc, bon, et alors du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Bah justement, je sais pas si je dois encore lui parler ou pas, parce que ça fait plus d'un an que je le connais, ça fait plus d'un an que je suis amoureuse de lui. Donc bah dégage-le. Bah dégage-le ça, parce que si, c'est-à-dire que si le mec va voir ailleurs, c'est que lui n'est pas amoureux de toi. Donc il y a un moment, si tu veux, comment te dire, la réflexion est faite quoi. Non, il peut aller se faire sucer, mais pas coucher avec mais ça n'a rien à voir avec qui est con lui. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le mec il s'en fout de toi, sinon il aura pas été voir ailleurs, c'est logique. Ouais. Tu vois? Oui, non. Oui. Bah oui. Bah dites-nous les filles, hein, appelez-nous hein, si jamais ça vous est déjà arrivé et que vous avez un conseil à filer à Elodie, là, 01 42 48 5000, ou vous envoyez M.I.K.L. par SMS avec le message hein, directement collé. Vous envoyez ça sur le 64 900. Reste avec nous Elodie, ne bouge pas surtout. On a également, Virginie, tiens, Virginie. Ouais, salut. Ah, Virginie qu'on a eu hier, on n'a pas eu le temps de te passer hier, oh, Virginie. Oh, gros bonté. Oh, sans you. Sans vous. Ça va bien, merci. Bon, très bien. Alors, t'avais une annonce à passer, on fait ça après le son d'Afrojack, d'accord? C'est moi qui te retourne la tête, Mickaël. Mais oui, il est excité, là. Bien sûr que ça, oui. Mais oui, je suis tellement amoureux de toi, Virginie. Mais bien sûr, allez. Cette voix m'excite tellement. Je suis d'ailleurs en train de me masturber. Tu vois, est-ce que tu entends ou pas? Jean-François. Regarde. Jean-François. T'entends ou pas? Jean-François. Hein, Virginie? Virginie. T'entends ou pas? Virginie. Des âneries comme ça, je ne veux pas entendre. Oh là là. Ça y est, j'ai fini. Ah. Eh ben voilà. C'est putain. Bon. Eh ben merci Virginie, hein. Virginie? Je vous écoute. Eh ben Bon Virginie. Bon Virginie, t'es debout encore? T'es réveillée ou pas? Ah non, elle se touche. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, rejoignez-nous également sur le Twitter, on est en top tweet ce soir, comme tous les soirs grâce à vous. Merci beaucoup, hashtag et Mickaël. Et puis c'est Afrojack qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. En direct sur Fun Radio, il est 1h du mat, là. Il y a Drakid qui dit mort de rire, Polo et son, elle est douce, ça lui reprend. Il y a Echo sur le Twitter aussi, Polo va recruter pour se faire une armée de douceur, je te rejoins quand tu veux. Rejoignez l'armée de la douceur. Il y a Abdou aussi, en 6ème, j'ai planté un crayon dans ma main, dans la main d'une fille, pardon, que je détestais. Sur ce coup, ça fait du bien. Ouais, tu m'étonnes. Et Marine aussi, j'en ai marre de vous, je suis accro, je suis obligé de vous écouter, vous défoncez, continuez comme ça. Bah Marine, c'est bien. Yanis qui dit, Tof, tu sais même pas dire, Carglass répare, Carglass remplace, tête de con. Ouais, c'est tout ce qui m'est arrêté. Le Boeuf Ferré également qui a envoyé son message là. Le Boeuf Ferré qui dit, le changement, c'est Tof qui prend la place de Mickaël. Faut mettre le fœtus dans le formal et le redonner à la science. Oh. Oui, je pense également. Et Lola également, la Virginie, elle a un sale caractère de cochon. Sérieux, faut qu'elle détende son string. Oh, non, mais non, Lola, mais elle est malade. Virginie. Oui. Bon, t'es malade encore. Oui, tout à fait. Bon, tiens, oh. Virginie, est-ce que tu connais l'excuse la plus utilisée pour tromper son mec ou sa meuf? Je ne trompe pas mon futur mari. Non, je te demande pas si tu le trompes, je te demande si tu connais l'excuse la plus utilisée. Virginie. Oui. Mais c'est parce qu'il faut le temps que ça arrive jusque dans le Nord, hein, c'est pour ça. Non, mais c'est loin le Nord. Je te demande si tu connais l'excuse la plus utilisée pour tromper son mec ou sa meuf. Moi j'en vois pas d'utilité. Non mais je te demande pas une excuse que tu vas donner. Je te demande si tu connais celle. Je donnerai pas parce que j'en connais pas. Oh là là. Eh Zizi, on te pose une question. Est-ce que tu as entendu parler de cette façon de s'excuser, de trouver une voilà. C'est parfait, c'était parfait. Je pense que c'était la meilleure explication de l'année là. Je pense que Virginie déteint un peu sur toi, Polo. Oui. C'était plus que parfait même. Mais oui. On était au top. Voilà. Exactement. Bon, alors Virginie. Je vais réessayer, moi je suis un fou de. Ouais, vas-y. Est-ce que tu connais l'excuse la plus utilisée pour tromper son mec ou sa meuf? Non, mais bon. Mais bon. Je comprends pas ce que vous voulez me dire par là. Oh là là. Ouais, je réessaye. Virginie. Bon, est-ce que tu connais une excuse, la plus utilisée pour tromper son mec ou sa meuf? Non. Oui. Allez, gros bâtard, va. Bien tenté, bien tenté. Mais non, mais je veux pas t'énerver, je te pose une putain de Virginie, question. Virginie, ne pense pas. Mais je vous ai répondu non. Il n'y a pas de conspiration contre toi. Mais on oui, est, on bien. Est, oui, oui. On mais voulait juste savoir. Mais c'est vrai. Non, en fait, c'est parce que c'est les heures sup. Oh là là. Que ce soit le mec ou les meufs, c'est l'excuse la plus utilisée, en fait. Et donc après, il y a aussi je vais faire du sport. Ou alors les embouteillages aussi, qui permettent d'expliquer pourquoi on ne rentre pas forcément à l'heure. Donc, venez nous dire ce que vous utilisez comme excuse, puisque je rappelle qu'un Français sur deux trompe, hein, je tiens à le rappeler. Hein. C'est triste. Donc vous avez forcément une excuse qui traîne derrière, là. Non, mais en plus, le coup du sport, ça passe bien, parce que tu sais, tu vas arriver un peu, tu vois, un peu sale. Suant, un peu sale, un peu encore puant de l'effort physique. Le cul dans les dents. temps, comme Toff et tout. Peut-être. Ah, il est sale, hein. Ouais, complètement. Et donc, du coup, bah, venez nous dire si vous avez des excuses. Donc, 01 42 48 5000. Et puis, vous pouvez aussi participer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Laurie qui dit, hier, mon père m'a dégagé de chez lui parce que je lui ai lancé son iPhone 5 contre son écran plasma. Du coup, les deux sont morts. Et je dois dormir chez les parents de ma petite amie. Oui, mais enfin, Laurie, évidemment, Laurie, pourquoi t'as fait ça, voyons. Idiot. La petite fée qui dit, mort de rire, Toff va se poser, je meurs. Ah, bah, nous aussi, hein, t'inquiète pas. Et Élise et Eva qui dit, je passe le message à tous mes potes, vous êtes trop bien, message de bienvenue s'il te plaît, Élise et Eva, bah, bien sûr, évidemment. Trop pédé, Eva. Voilà, je t'en mets même un petit gratuit. Va te faire foutre, connard. Voilà, même si t'es une fille. Bon, Virginie, qu'est-ce qui t'amène? Ben, moi, je voulais parler, en fait, parce que je connais l'excuse la plus utilisée pour tromper mon mec ou ma meuf. Bon, allez, vas-y. Tout d'abord, c'est pour souhaiter un bon anniversaire à Alicia qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Bravo! On est ravis de la prendre. Voilà, on fait la musique. Un four à bite, ton cul, c'est. Oh lolo, j'ai vergondé. Dévergondé, j'aime beaucoup cette expression. Je suis chier à la gueule, moi, tu vas voir. Voilà, donc bon anniversaire. Alors, quoi d'autre? Alors, je voudrais féliciter Robert, parce qu'il a gagné un nouvel emploi. Bon, alors quoi? L'été prochain, je me marie l'été prochain. Oh non! Gros, va te faire enculer, gros menteur. Virginie, je suis présente. Tu veux qu'on fasse une répétition de la cérémonie? Non merci. Si, allez, merci. Tu vas te marier avec Toff. Pas de coup de tort. Allez, tu te maries avec Toff, je fais le prêtre. J'ai toujours rêvé d'être un curé. De quoi? Ça va pas, non. Bon, allez. Vivi, comment s'appelle ton mari? Enfin, futur mari. Emmanuel. Bon. Emmanuel. Emmanuel, ici présent. Oui. Voulez-vous prendre Virginie, ici présente, pour épouse? Non. De l'aimer, de la chérir, jusqu'à ce qu'elle a... De la chérir. Jusqu'à ce que la mort vous... La mort vous sépare. Évidemment. Non, après, bon, ah, oui. Virginie, gros bâtard. Madame, bon, gros bâtard, de l'autre, je ne sais pas. De quoi? Du respect pour les gens qui vous emmerdent pas. Mais je suis curé. Ouais. Je suis curé de la paroisse. Il est le curé, voilà autre chose maintenant. Ouais. Bon, on peut pas faire. Avec moi, alors. Bon, Virginie, ici présente. Voulez-vous épouser Emmanuel ici? Mais Emmanuel? Oui. Épouser Emmanuel dans l'amour et le respect, jusque dans le respect et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Virginie, oui ou non? De cette manière-là, non. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Virginie? Oh, embrassez la mariée, le marié. Allez hop. Roulage de patin là. Oh là là, on fait une répétition, voilà. Elle comprend rien. Tiens, il y a Yannick qui proposait par mail un plan 3 avec Gilou et Jean-François, ça peut être pas mal pour Virginie. Ça va pas, non. Bah attends, il est super cool, Jean-François. Ça va pas la tête ou quoi, ouais. Bah comment ça, Virginie, t'es sérieuse? Complètement sérieuse, ouais. Tu vas aller te taper un Emmanuel qui, je suis sûr, est moche alors qu'on a Jean-François qui est super beau. Bah oui, qui est en plus, il est canon, un truc de ouf. Je m'en bats les reins. Oh là là, elle revient doucement. Elle s'en bat les reins là. Eh non. Oh là là. On change pas une équipe qui gagne. Hein. De quoi? On ne change pas une équipe qui gagne. Non, bah ça c'est sûr, hein, là, ça c'est certain. Bon, bah très bien, et donc tu vas te marier, bah écoute, félicitations. Hein. Félicitations. On sent que ça te fait plaisir en plus, ça y est. Non, mais sérieusement, c'est vrai. C'est vrai? Bah oui, non, je me doute que c'est vrai, tu vas pas nous appeler pour mentir là-dessus, je vois pas l'intérêt. Je m'étonne pas si j'ai horreur du mensonge de toute façon. J'ai rien compris. Brin. D'accord. Parfait. Très bien. Dites, est-ce que c'est possible de passer une dédicace, s'il vous plaît? Tu l'as pas déjà fait? Merci. Voilà, et bah donc tu as ta réponse. Oh, enfoiré, moi. Voilà, et bah c'est comme ça qu'elle est Virginie. C'est là qu'on l'aime bien. C'est là. Notre Virginie à nous. Faire un cul au PD. Oh, dis non, alors un petit peu de respect, voyons. Oh, alors, voyons. Bon. Arrêtez de saluer, je bosse, s'il vous plaît. Mais jamais, c'est pas notre style, Virginie. Bon, Virginie. Oui. Bon, allez, vas-y, fais ta dédicace. Ouais. Allez, vas-y, je rigole. Allez, vas-y. À toutes les... Actuellement. D'accord. Et en priorité à famille et à... Bah parfait, eh ben, le message est passé. Allô? Oui, on écoute. Eh ben le message est passé, y'a pas de problème, Virginie. Virginie? Je vous écoute. Ben oui, je te dis que le message est passé. Donc t'as fait entendu. Eh ben, bah oui, j'espère bien que t'as entendu. On est content pour toi. Bon, eh ben voilà, et tu reviens quand tu veux. Oh, que oui. Et Mazel Tov. Allez, salut. Parce qu'elle va croire que j'ai un rapport avec ça. Alors que... Oh, t'inquiète, il y a Givano également qui est avec nous. Salut, Givano. Oui, salut, Mickaël. Comment ça va? Comment? Oui, ça va bien, toi. Givano. Mais attends, c'est quoi là? Il y a eu un concours de prénoms, tes parents ont gagné le concours du prénom le plus ridicule ou quoi? Sylvano et Guy, ça va rien faire Sylvano. Sylvano, déjà lui il dit c'est quoi ton prénom? Qui ça? C'est Polo. Ouais, bah toi c'est Polo, moi c'est Givano, c'est original. Eh bah enchanté. Non mais c'est vrai, c'est original, mais c'est vrai pour le coup. Bon, Givano, ouais. On va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Oui, ouais, j'ai un petit problème qui me dérangeait un peu, donc ouais, j'aime trop faire l'amour, mais j'ai jamais trouvé en fait une meuf qui aime la même chose que moi. Ah oui, bah forcément, faut trouver quelqu'un qui est raccord, ça c'est clair. Bon, Givano, on va en parler dans quelques minutes. Et avant de mettre le son des Daft Punk, on a Mohamed qui est avec nous d'Agen, là, qui voulait faire un petit tirage de cartes. Salut Mohamed. Et comment vont les pruneaux, Mohamed, d'Agen? Comment ça va? Ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors, je vais te présenter déjà Kalissa qui est avec nous, donc qui était passée à l'antenne il y a 2 semaines pour tirer les cartes à Toff. Elle a dit qu'il allait être daron. Ouais. Oh là là, ça va être génial. Ah bah oui, ça va être magnifique. Ah, ça va être beau. Je vous l'amènerai tous les soirs. Ah bah ouais, il va venir dans les studios et tout. Ça va brailler, ça va être génial. Ah, ça va être bien, ça fera bête à la feuille. Ah bah bien sûr. On l'aura en fond. Voilà. Tu ramènes pas les ordures ici, Toff. Hein. C'est pas une poubelle cette radio. Voilà. Ça va être bien. Tu vas le donner à Sandro, il lui donnera le sein. Ah, moi je veux bien prendre le sein. Bon, alors du coup, Mohamed, je te présente Kalissa. Là, alors il faut quoi? T'as donné sens et prénom, c'est ça? Alors bonsoir Mohamed, non? Bonsoir. Bonsoir, j'ai pas forcément besoin de ta date de naissance actuellement. Je viens de couper en fait pendant qu'il rigolait. Moi on me dit que dans le plan professionnel, tu t'attends à un changement si tu veux qu'il se mette en place. Il faut que tu passes à l'action. Et il y a une signature de contrat qui se fera pour toi à partir de septembre. Est-ce que c'était bien le domaine, on va dire, professionnel ou études qui te tracassait? Non, pas vraiment. Mais au niveau professionnel, en fait, je travaille pour une mairie, en fait. Et il est vrai que... Il y a un changement, même. Je suis dans le secteur animation. D'accord. Donc peut-être qu'ils vont sûrement me proposer autre chose. Pour la rentrée septembre, effectivement, donc à la fin des animations juillet-août, effectivement, il y aura un changement. Bon, ouais, moi, c'est ce qui ressortait pour toi. Comment? On m'a parlé de responsabilité. Ça ressort effectivement. Voilà. Donc d'accord. Moi, c'est de ça qu'on me parlait, mais je t'écoute. Quelle est ta question? Ben en fait, moi, j'ai alors, faut juste que tu me poses la question, faut pas trop que tu me parles. Voilà, pose ta question, là. Voilà. Ça la perturbe. Je suis perturbé après. Ah, ben, je voulais savoir si je pouvais... Est-ce que je vais baiser? Non. Si... je vais retrouver le contact avec une fille avec qui j'ai eu contact il y a 15 jours et que j'avais pas vu depuis 18 ans. Et, ouais, donc fait, pour résumer, est-ce que je vais baiser? Donc c'est bien ça, j'avais bien est-ce visé. Tu vas retrouver cette personne que tu as connue il y a quelque temps et qu'est-ce qui va se passer après ce recontact? On s'est recontacté sur un site de rencontre. Oui, mais. Non, mais il faut. Givano, c'est bon. Non, c'est pas Givano, là, c'est Mohamed. C'est juste une question en fait. Et après. Moi j'avais juste une question, si tu veux la retrouver, pourquoi t'as pas tapé dans la recherche de Google? De Facebook. De Facebook. Non, mais en fait, on a tout échangé, le numéro de téléphone. En fait, tu veux savoir s'il y a une relation amoureuse qui va découler de ça, en fait. Ouais, voilà. Exactement. Bon, attends, je tire les cartes. Mohamed, qu'est-ce qu'elle a dit? Kalissa l'a dit, il ne faut rien me donner comme information, je tire les cartes. Voilà. Je tire les cartes. Moi, je tire les meufs. Voilà. Ah, écoute, moi, je vois que ça a bien se passé, là. Sincèrement, par rapport... Il y a l'étoile est sortie? Non, pas du tout. Moi par rapport à cette personne, sincèrement, démarrer une histoire d'amour, en tout cas on me dit pas que ça va partir vers la concrétisation, pas du tout. Je vois plutôt cette fille comme quelqu'un d'amical et sincèrement, je pense qu'elle est déjà en relation avec un homme actuellement où ça se passe pas forcément très bien et attention qu'elle se serve pas de toi pour rendre son copain actuel jaloux. Donc fais attention, méfiance, moi j'ai envie que tu te méfies un petit peu par rapport à cette fille et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de sérieux qui en découle, en tout cas. Pour celle-là, Et je peux avoir une autre question aussi? Bon, allez, vite en speed. C'est comme chez toi, en speed, en speed. Et en fait, j'en ai une autre en cours avec qui je suis en communication depuis, depuis quelques temps. Et, et pour savoir si avec elle, justement, il va y avoir concrétisation ou pas. Alors, donne-moi son prénom à cette deuxième fille, si tu peux. Chan. Ok. Alors, la carte de l'étoile est sortie. La carte du pendu, c'est un oh, petit putain, peu bloqué. Tu vas décéder, merde. Non, la carte du pendu, c'est le blocage. La roue de fortune en compte, il n'y a pas d'évolution. Donc, je pense que là, Mohamed... T'es dans la mer. Ouais, là, pour l'instant, la relation amoureuse... non. Concentre-toi sur ta vie amicale, plutôt. C'est ce qu'on te conseille. Ouais, moi, je vois les putes, moi, sinon. Et la carte de l'argent. Sexualité et argent, non, par rapport bizarre. À elle, il n'y a pas du tout les sentiments amoureux qui ressortent. Effectivement, il y aura un rapprochement physique, relation sexuelle, mais ça va être rien de bien sérieux. Voilà, ben voilà, Mohamed. Voilà. Ah, mais c'est déjà pas mal. Eh ben, écoute, tiens-le au jus, Mohamed. Non, parce qu'elle est jolie, chante. C'est une indienne. Oui, ben, justement, c'est pour ça. Ouais, mais bon, la solitude, à 35 ans, j'aimerais bien me poser quand même. Oh, mais t'inquiète, il n'y a pas d'âge. Regarde. Encore une fois, si tu veux, moi je te prête mon thé, mais tu peux le garder. Quoi. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, parce que lui, il a pas envie d'être daron, lui. Bon, bah, bon courage, Mohamed, en tout cas, t'inquiète, ça va venir. C'est possible d'avoir un pack. Ouais. Eh ben, je vais te repasser Sandro maintenant, il n'y a pas de problème. On te l'envoie avec un tarot de Marseille. Voilà. Tu pourras te retirer les cartes à loisir. À volonté. Ah, mais si t'envoies un tarot de Marseille, il faut l'envoyer avec mon livre que j'ai écrit aussi. Hein. Ah, bah, voilà. Écrit un livre ? Ah, bien sûr, sur le tarot de Marseille, je donne des cours d'ailleurs. Hein. Ah, carrément ? Bah, voilà, tout si vous voulez des cours, hein, tout est donc, possible. Donc, le livre, je peux donner le titre ? Vas-y, ouais. Hein. Donc, ça s'appelle Petit cours du tarot de Marseille et ça se trouve aux éditions GVP. Très bien, eh ben, et voilà. Eh ben, salut, Womed. Je voudrais juste dire une chose. En fin de compte, tout ce qu'elle vient de dire, c'est, elle est très, très, très juste parce que je suis allé voir une femme hier, elle m'a dit exactement la même chose. D'accord, bah, tant mieux, écoute. Enfin, j'espère pour toi qu'elle se trompe dans l'idée, en fait, il allait voir la même. Non, elle est très crédible. Bon, très bien. Eh ben, merci à toi, Mohamed. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, merci, c'est gentil. Ciao à toi, Mohamed. Il y a Ala Real Madrid qui dit, il y a ma nièce qui dort juste à côté de moi à cause de vous. Je vais la réveiller, avec tous les fous rires que j'ai. Ah ouais, bah à mon avis, je pense qu'elle n'ose pas poser la question, mais est-ce que le Real va gagner ce week-end au foot? Alors, je suis super nul en tout ce qui est pronostic sportif. Oh merde, voilà. Putain, là, ça, je suis sûr, avec un pseudo comme le Real Madrid, Ala Real Madrid, je pense qu'elle aura bien voulu savoir. Bon, hier, j'avais pris une chance sur trois. Pardon, excuse-moi, hier j'avais prédit 2-1 pour les Pays-Bas, tu vois, je me suis complètement trompé. Non, pas complètement, t'avais 2-0, ça va, la France a gagné. C'est oui, mais c'était principal. Pas juste. Oui, bah c'est vrai. Olivier qui dit, là, une jolie voix la voyante, et Nikki aussi, Nikki Queen sur le Twitter, je vais réveiller mes parents en force de rigoler, la message de bienvenue s'il te plaît, bien sûr. Je vais te chier à la gueule, moi, tu vas voir. Ah bah voilà. Perso, je veux le jingle de l'autre dimension. Ah oui, on va te le mettre. Allez, en plus, le jingle de l'autre dimension que je vais mettre maintenant, vous allez voir, on l'a écrit avec Polo et on a été voyant également, surtout lui. Hein. Écoutez bien, écoutez ce qu'il dit à propos de Toff. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Eh oui. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on l'a écrit avant de savoir, hein. Ouais. Comme quoi, c'est un signe. Et c'est Polo qui a fait ça. Ouais. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, Polo? Est-ce que je vais être président? Il a le truc en soi. Non, c'est mort. Putain, fais chier. J'aurais bien voulu être président, moi. Ça aurait été génial. Tu montes une association, quelque chose comme ça. Tu je vais essayer. Allez, on écoute les Daft Punk. Il est 1h19 sur Fun. Bonne nuit, tout le monde. Allez, appelez-nous si vous voulez délirer avec nous. Prenez le contrôle de Fun jusqu'à 12h. C'est Mickaël No Limit, 01 42 48 5000. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Et on est là tous les soirs de la semaine de 23h à 2h. Toute la semaine, c'est la dernière cette semaine. Mais rassurez-vous, on sera de retour toute la semaine prochaine, évidemment. Ah, 23h, 2h toute la semaine. Et le dimanche également, de 20h à minuit. Il y a le bœuf ferré qui dit pour le baptême du fils de Toff, c'est moi qui fais la pièce montée. Parfait, le bœuf ferré, c'est noté. Vanessa, ah ouais, je confirme. Vanessa également qui dit vous déchirez. Attends, c'est quoi? Hop là, je l'ai perdu le message. J'adore vous écouter. Des barres de rire dédicaces à mon papa. Eh ben, le message. J'ai passé Vanessa et Colin, je suis plié en quatre dans mon lit, j'en peux plus, vous allez me faire mourir. Bah ça va, et pars pas avant 2h quand même. Et Priscilla aussi. Polo, je l'imagine trop en prêtre en fait. Ah bah moi ah bah pas. Oui. Ah oui, il serait beau avec son petit col blanc. Du tout, du tout, Monsieur. Du tout. Et Romain qui dit franchement si un jour vous m'invitez dans le studio, je promets, je fais l'émission en caleçon. Eh ben écoute, t'es le bienvenu, il y a aucun problème. Oh là là, c'est extraordinaire. Il y a aucun problème. Nous, on est à poil. Il y a le Doc Coco aussi, je fais caca sur Toff. Et Mickaël Alizé, ce serait le bordel complet. Toff ministre des abrutis, Polo ministre des transports. Des transports? Pourquoi des transports? Non, on dirait de l'intérieur. Ouais. Ou des affaires étrangères. Ah, il aime toujours foutre son nez partout. Ah, j'adorerais, j'irai voir Poutine. Je dirais, écoute, on te déclare la guerre demain. Ah, moi je rigole pas, il y en a rien à foutre. Moi, il va t'atomiser en 30 secondes. Ouais, attends, ouais. La France, monsieur, on va rien atomiser du tout. Direct. Rien atomiser. Bon, qu'est-ce que tu as à dire? On va récupérer Givano maintenant là. Allô, Givano de Colombe. Givano. Salut. Ah voilà, très bien, Givano qui est de retour. Bon, alors on en parlait tout à l'heure avec Virginie. Bon, enfin, on a essayé, ça a pas bien marché. Mais bon, je voulais savoir si tu connais l'excuse la plus utilisée pour tromper ton mec ou ta meuf. Est-ce que t'as déjà trompé ton mec ou ta meuf? Non. Jamais. Bon, tant pis. Attends, tu sais quoi, Givano? On va te rappeler parce qu'il y a un sale écho là. Bouge pas, Givano, on te rappelle en direct dans quelques minutes là. Reste avec nous. Elodie. Oui. Ah, Elodie qui a toujours pas compris qu'il fallait avoir le téléphone à côté de sa bouche. Comment? Qu'est-ce que c'est? Elodie. Mais elle est trop douce. Elodie. Oui. Tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Oh, quelle est douce. T'as toujours le kit main libre? Non. Ou le haut-parleur? Non, mais c'est ta pas. Douceur, c'est ou ta alors, douceur. Non, ou alors t'as le téléphone, mais t'es sous ta couette? Non. C'est dans ma chambre. T'es dans ta chambre? Sans meuble alors? Mais ça résonne un peu. Ça, oui, ça résonne un petit peu, effectivement, oui. Bon, Elodie qui nous avait appelé parce que son mec est pas fidèle, c'est ça, Elodie? Oui. Bon, en gros, tu l'as trouvé au lit avec ta cousine, c'est ça? Non, en fait, je l'ai appris le lendemain, c'est elle qui me l'a dit. Ah, mais ça va, c'est une meuf cool et tout, elle te l'a dit, et ça, c'est bien, franchement. Mais bon, c'est quand même avec la cousine. Oui. Voilà, quel âge il a, elle? Elle a 14 ans. Oh, elle est enceinte? Elle a avorté apparemment. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, putain, mais comment est-ce que vous pouvez encore. Comment est-ce que vous pouvez baiser sans capote? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça, c'est un truc, ça m'est arrivé, une fois avec quelqu'un de sûr, tu vois, on a fait les tests et tout ça. Hein. Et puis au dernier moment, elle dit ouais, mais en fait, j'ai eu une relation il y a quelques jours, machin, et putain, j'étais en panique pendant 3 mois. Ah putain, non mais attends, mais moi je suis un psychole en plus là-dedans, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être malade de tout, donc non, attends, moi j'étais en panique totale, ça m'est arrivé une fois et encore, comme vous avez vu, je prenais les précautions, mais comment est-ce que vous pouvez aller baiser avec un mec ou avec une meuf que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à peine sans mettre de capote? Ça c'est un truc, c'est improbable. Mais moi je crois que j'ai couché avec lui, j'ai jamais fait avec une capote, hein. Et t'es fière en plus, Elodie? Ben non, mais c'est juste pour expliquer quoi, parce que non mais d'accord, c'est mais nul. Non, mais pourquoi tu l'as fait sans capote? Je sais pas, j'avais envie d'être malade comme ça, ouais, je crevais dans 10 ans. Non mais écoute, c'est un truc sympa, je voulais essayer pour voir, parce que de toute façon je me vois pas vivre au-delà de 25 ans de toute façon. C'est pas in, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est plus la non, mode. Mais écoute, ouais, non mais si je fais pas une chaude pisse avant 18 ans, t'as raté ta vie. Non mais on rigole, mais sincèrement, il y a un moment, il faut vous mettre le truc dans la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je parle du sida, mais il y en a plein d'autres, hein. Attention, il y en a plein des merdes, la chaude pisse, il y a les hépatites, il y a toutes les merdes là qui existent. Et ce qui me rend ouf, c'est quand t'as des meufs ou des mecs qui arrivent. Ouais, mais j'ai, t'inquiète pas, ma meuf elle prend la pilule, c'est pour ça que je fais pas de capote. Ah bah oui, parce que la pilule ça évite juste les gosses, en fait, c'est tout. Il y a les trucs que Polo qui font flipper Polo là, l'herpès. L'herpès, ouais. Moi je peux pas. Ah la règle. Ah, y a l'herpès, ouais. Le jour où t'auras une pastèque à la place de ta chatte, bah tu vas rire. Hein. Non, non, et en fait, moi j'ai appris qu'il y a un truc que tu véhicules sur ta bite. Que en fait, que l'homme ne en fait ça lui fait rien, mais si tu passes genre d'une meuf à l'autre, en fait tu le passes d'une meuf à l'autre. C'est une infection aussi. Oui, bien sûr, mais il y a plein de trucs. C'est pour ça que moi je bouffe pas de chatte. Y a pas envie d'avoir la moitié de la lèvre abîmée. Et il y a même des trucs qui peuvent se passer dans les poils. C'est-à-dire que même avec la capote, c'est pas très grave hein, comme maladie, heureusement. Mais même avec la capote, si tu veux, ça change rien. C'est-à-dire que si tu couches avec ta meuf, en fait, ça peut se transformer un peu comme des poux. Bah, les morpions. Les morpions, mais il y a pas que ça. Je sais plus ce que ça donne comme maladie. Bref, ça fout la merde chez la meuf. C'est pas grave parce que ça s'enlève facilement, mais c'est assez emmerdant quoi. Ouais. Donc Elodie, putain, mets une capote. Parce que le pire, au final, enfin. Plutôt, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est d'avoir un gosse au final. Hein. Parce que je trouve que les maladies, le sida et tout le bordel, tu seras bien avancé. Hein. Et par contre, j'ai un autre problème aussi. C'est un peu délicat en parler. Quand c'est l'amour, en fait, je ressens rien du tout. C'est-à-dire C'est peut-être parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Oui, ça, c'est une idée, mais. aussi. En même temps, non, vous avez 14 ans, c'est vrai, il doit être dans le pli du gras, tu sais, le gras de la jambe. C'est et ça. Lui, il est là, il croit qu'il baise, mais en fait, il baise pas. Non, mais non, mais tu ressens rien, tu ressens rien. T'as envie de le faire ou tu fais ça pour lui faire plaisir? Non, c'est ça pour lui faire plaisir. Bon, bah alors, voilà, dégage-le. La solution, Elodie, hein, le résultat est là. Hein, c'est juste qu'il faut le faire parce que t'as envie de le faire. Ne jamais faire ça, les filles. Jamais. Ne jamais le faire pour faire plaisir au mec. Vous devez le faire quand vous êtes, un, prête, et deux, quand vous avez envie de le faire. C'est pas un truc que tu fais plaisir comme si, genre, tu payes un resto, quoi. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Et tu ressens rien uniquement parce que tu fais ça alors que t'as pas envie de le faire. Un jour, tu vas voir, tu vas avoir envie de le faire parce que tu vas te sentir prête, parce que tu vas tomber sur un mec. Un mec bien, avec un mec que tu vas sentir. Mais non, t'as fini con lui. Mais un mec que tu vas sentir, et puis voilà, et là tu vas voir que ça va être totalement différent. Un mec, elle va ta gueule. Bon, une minute. Allez. Oh non, il ferme ta gueule, allez. Si, une minute. Je veux dire de la merde, d'ailleurs. Allez, hop, terminé. Voilà, il pénit. Sale con, ouais. Ça sent moins la merde, ça sent moins l'enculé, ouais, on est bien là. Depuis qu'on a mis toi sur le côté, ça sent vachement moins la merde, je trouve. C'est vrai. Là, il a quand même fait la vanne de la soirée avec le coup de la chute pisse. Si t'as raté ta vie, t'as fait une chute pisse avant. J'avais beaucoup aimé. Ouais, mais enfin, vite fait quoi. Ah ouais, enfin, bref, il y a le prince, c'est-à-dire qu'il y a, tu vas avoir une pastèque à pastachate idéale pour les amateurs de cuny qui mangent 5 fruits et légumes par jour, évidemment. Lola qui dit si elle prend la pilule, elle a pas besoin de mettre une capote. Mais Lola, putain, je viens d'expliquer que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La pilule, ça sert à protéger contre. Enfin, à protéger. À éviter de tomber enceinte. Et encore, ce n'est pas fiable à 100%. Exactement. Donc, mettez une capote plus la pilule, comme ça vous êtes pépère au niveau des enfants, et puis en plus mettez la capote pour éviter les maladies, putain. Sinon, pour les mecs, baiser le gras de la jambe. Ah ouais, c'est ça, ouais. Non mais sérieux, fourrez le gras de la jambe, vous risquez rien. Ah, là comme ça vous êtes tranquille, ouais. Merci pour ce conseil stupide. Je te remercie. Et ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui en 2014, il y a encore des gens qui disent ouais, mais c'est pas grave, il y a pas de problème, ils tout va bêtes. Bien. Il y a pas de problème, mais non, ignorant. Ouais. C'est pas bête, c'est de l'ignorance, ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça, ouais. Voilà, la minute est passée. Ils peuvent revenir. On peut parler de gras? Non, c'est bon, Polo l'a déjà assez fait comme ça. Bon, Nicolas qui dit moi je la veux bien, Elodie dans mon lit, elle est si douce. Et Laura également, putain mais ça craint, je soutiens Elodie, sa cousine c'est vraiment une garce. Ouais. Et Kadera qui dit le pli du gras, je suis mort de rire, là, j'en ai réveillé ma mère. Décidément vous réveillez tout le monde ce soir. Echo également qui dit Polo, on va envahir la Russie avec son armée de doux. Viens Polo, je suis ton fidèle bras droit. T'es après les mignons, il va y avoir les doux. Ouais. Tu vois, les doudous. Les doudous, c'est ça. Bon, écoute Elodie, voilà, ton problème, il est résolu, il est résolu. En tout cas, je t'ai expliqué pourquoi tu ne ressens rien quand tu fais l'amour. Ça, j'en suis sûr à 100%. On peut même te filer le numéro du doc dans le Vinfun lundi dès 20h et tu verras qu'il te dira la même chose. Mais avec une voix différente, ouais. En te disant que ce n'est pas sale, etc. Et puis, il va t'engueuler de la même manière que moi quand il va apprendre que t'as couché sans capote et que, voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu feras la prochaine fois que tu vas coucher avec un mec? Voilà. Et comme on est sympa, on va t'envoyer. Voilà, on va t'en envoyer et y en avoir dans ton sac. Parce que c'est pas le tout de dire ouais, mais le mec il a pas de capote, c'est le mec qui doit le ramener. Ouais, mais quand il va vous ramener des maladies de merde comme le sida, c'est après que vous allez réfléchir. Hein. Donc il peut aussi vous ramener des saloperies. Donc prenez une capote, sinon ne couchez pas. Je sais que c'est chiant, je sais que ça donne moins de plaisir parce qu'il faut être franc aussi à un moment. Hein. C'est clair qu'avec une capote c'est moins agréable que sans. Wow. C'est vrai, mais il y a un moment c'est quand même vachement plus sympa de baiser plus longtemps en ayant moins de sensations que de baiser moins longtemps en ayant plus de sensations. Et d'être en vie surtout. Et ben c'est ce que c'est, d'être sinon, en vie. Il voilà. Y a le gras de la jambe, n'hésitez pas messieurs. Et sinon il y a le gras de la jambe, vous mettez un petit peu de vaseline, ça glissera tout seul. Voilà. Valentin qui dit il faut baiser le gras de la jambe, il a raison, voilà, exactement. Mickaël qui dit je comprends pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'enfant si tu mets une capote tout le temps. Merci Mickaël. Non mais aujourd'hui avec ma meuf j'en mets pas. Il est con lui, putain il porte bien son nom lui. Mais non, mais voilà, c'est juste que quand vous avez fait les tests, c'est bon, quand vous avez fait les tests et que vous avez confiance l'un en l'autre, ça va. Qu'est-ce qu'il est con celui-là alors, je te jure. Tu portes bien ton nom toi, hein. D'ailleurs, je vais te mettre un message de bienvenue, tiens, voilà. Va te faire foutre, connard. Voilà, exactement. Alors moi, je viens, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Voilà, bon, salut Elodie. Je te passe une dédicace. Allez, vas-y, à une seule personne, tu connais la règle. Je te passe une dédicace à Maëva qui m'écoute et j'espère qu'elle a bien entendu ce qu'on m'a dit parce que je crois qu'elle est un peu concernée aussi. Voilà. En fait, c'est pas ton histoire, c'est la sienne. C'est presque les deux en fait, c'est presque la même chose. Mais quoi, elle est aussi stupide, elle couche sans capote, tout ça? Ah bah oui. Ouais, voilà. Ah bah bien sûr, mais tant qu'à faire, autant faire la totale. Hein. Bah autant faire à plusieurs quoi. Pépère, évidemment. Oh là là là là là. Avoir un pack seul. Ah bah oui, on va en même temps donner deux, tiens, une pour la copine aussi, avec les capotes, apparemment vous en avez besoin. Une consultation chez le médecin pour le végétarien. Et en plus, n'hésite pas à aller faire le test aussi, t'as couché combien de fois avec le mec là? Je sais pas, j'ai pas compté. Non, mais tu sais si t'as compté coucher une fois, cinq fois, dix fois ou plus. Plus de 10 fois. Parce que regarde, je veux pas te foutre les boules, mais il y a un moment, faut quand même que tu sois au courant. Va quand même consulter un médecin, même si tu le dis pas à tes parents, tu peux aller voir ton généraliste, il va rien dire à tes vieux, t'inquiète pas, pour aller faire une vérification. Parce que regarde, le mec t'a couché avec lui, 10 fois ou plus, peu importe, ça l'a pas empêché d'aller baiser avec ta cousine sans capote, et qui sait avec combien d'autres meufs pendant que t'étais en train de coucher avec lui, donc va quand même faire les tests, hein, d'accord? D'accord. D'accord, tu dis d'accord, genre vas-y, continue à parler, je m'en fous, ou tu veux vraiment le faire? Non, j'irai. Bon, je te fais confiance, hein. Oui. Tu sais, si tu veux toujours faire partie de l'armée des doux, tu es obligé d'être en bonne santé, hein. Moi, je prends pas mes militaires, c'est des gens sérieux. Hein. Exactement, l'armée des doux, exactement. Bon, salut Elodie, gros bisous. Salut. Ciao, bye bye. Bon, j'ai fait le daron là, ce soir. Hein. Mais c'est bien, il faut de temps en temps, il faut remettre les choses au clair, moi je vous le dis. Ouais. Il y a Marie-Kel qui dit l'armée des doux, mort de rire, et Canvand aussi qui dit j'ai réveillé mon chat, maintenant il me fait chier, je vais appeler mon voisin pour savoir si je peux chier chez lui. Bon, eh ben nous on va faire ça dans quelques minutes sur Fun Radio, juste après le son de DJ Fresh avec DBDB Sound sur Fun Radio. Il est 1h34, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du matin. Et hey, DJ Fresh à l'instant sur Fun. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on va faire les appels avec Tof dans quelques minutes. Il y a encore une question également pour Kalissa la voyante qui était passée. On l'a eu au téléphone à la base, hein, il y a 2 semaines, 3 semaines, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et là, je suis très content d'être avec vous. Eh ben écoute, on est content que tu sois là également. Hein, bah, nous aussi, hein, maintenant tu m'as annoncé plein de mauvaises nouvelles. Et il y a Marie-Kiel qui dit Go to fuck Poutine, hashtag armée des doux. Apolline également, il y a plein de nouveaux qui ont eu leur message de bienvenue alors que moi j'en ai pas eu un, pourtant je vous kiffe quand même. Bah il suffit de demander à Pauline. Pas de faire foutre, connard. Voilà, bon même c'est une fille mais j'avais pas la version féminine. Lola aussi qui dit genre tu me fais la morale, t'es trop méchant. Mais non Lola, c'est pour ton bien que je fais ça, c'est pas pour être méchant, c'est juste pour qu'il y a un moment il faut se rendre compte que le sida ça tue encore, hein, ça se soigne mais ça ne se guérit pas encore, et puis il y a surtout aussi plein d'autres maladies. Donc voilà, la pilule c'est fait pour éviter de tomber enceinte, et puis la capote c'est fait pour éviter de tomber enceinte et aussi pour éviter toutes les autres maladies. La pilule ça ne sert que pour ne pas être enceinte et uniquement pour ça, c'est tout. Parlant de sida, qu'elle va y voir le film Dallas Buyers Club, ouais. Elle va voir ce que, en fait, avec Jared Leto qu'on a reçu il y a 2 semaines. Voilà, et tu vas voir que ça va te remettre un peu la gueule en face. Voilà, tout à fait. Ouais. Et sinon, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Mickaël. Quoi? Bah que c'était la capote, c'était pour toutes les autres maladies, et que la pilule, c'était pour pas avoir d'enfants. Non, j'ai dit que la capote, c'était pour éviter d'avoir des enfants, oui. Et en plus pour éviter toutes les autres maladies. Oui, c'est ça. C'est. Ouais. Voilà. Donc si tu conseillerais qu'un enfant c'est une maladie, non, j'ai beaucoup aimé. N'importe quoi. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi. L'autre il entend qu'est-ce qu'il veut, n'importe quoi. Et je veux qu'il soit puni cette merde. Attends, je garde pour plus tard, on sait jamais. Il y a Kevin aussi qui dit Polo, je veux devenir actionnaire de ta team des doux. Mais il y a pas d'action, hein. C'est juste lui en fait, hein. C'est un dictateur, c'est tout. Hein. Il vous demandera pas votre avis, vous inquiétez pas. Non. Marika, ah oui, ça je l'avais déjà lu. Il y a Priscilla qui dit mort de rire, l'armée des doux. Non mais sérieux, avec toutes les préventions, je comprends pas comment les jeunes ignorent ça encore de nos jours. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux. Et puis il y a Pogua aussi sur l'application Mickaël No Limit qui dit elle est idiote la meuf, elle couche pour faire plaisir et en plus elle se protège pas. Je confirme que c'est quand même prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Et la friterie Elba qui dit l'excuse, je peux rien, c'est elle qui m'a sauté sur moi. Mais n'importe quoi, ça marche. Pas non plus ça. Et Denis qui dit mon frère vous écoute, il s'est pissé dessus. Oh, dégueulasse. Bon allez, on fait encore des appels avec Tof maintenant. Mais là, oui, allons-y. Allez, c'est parti. Toujours pour tu appelles toujours des gens pour voir si tu peux aller chier chez eux. Bah oui, parce que comme il y a cette nouvelle application qui vient de sortir, oui, hein, le Airbnb. Airbnb, voilà, pour pouvoir trouver des toilettes disponibles chez les gens. Voilà, quand t'es pas à un endroit où il y a des chiottes, tu as juste à regarder les gens. C'est et tu vas mal. Chez les gens. Voilà, donc on y va, on appelle maintenant, c'est parti, 1h41 sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit sans pub et on est là jusqu'à 2h. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je voulais savoir si c'était possible que je vienne chier chez vous, madame. Mais allez vous faire foutre. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Je veux juste venir faire un petit caca, moi. Ouais, bien sûr. Bah oui. Oubliez mon numéro, hein, excusez-moi. Bah non, madame, mais c'est pas sympa. Moi, je suis la crotte au cul devant chez vous et vous voulez pas me laisser venir chez vous. Mais arrêtez de... Mais qui vous êtes? Je suis Toff, madame. Pardon? Non, je dis je suis Toff. Je comprends pas ce que vous dites là. Bah, moi, mon nom c'est Toff et je voudrais juste venir faire un petit caca chez vous. Non, ça risque pas, non. Bah pourquoi, madame, vous avez pas de toilette? Si. Bah alors, vous pouvez bien me les prêter juste le temps de faire un petit caca. Attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi là? Mais pas du tout, madame, je suis à côté et du coup je me disais peut-être que j'aurais pu venir faire ça chez vous plutôt que de voilà de me faire dans le pantalon quoi. Non mais vous avez que ça à faire, appeler à 10h du soir et emmerder les gens comme ça. Mais non, moi je suis là, j'ai besoin, c'est maintenant. S'il avait été midi, je vous aurais appelé à midi, madame, mais là moi c'est maintenant. Oh, quel relou là, oh là là, c'est pas comme s'il était si tard que ça, hein. Bon, non, allez, on la rappelle, hop là. C'est reparti. Allô? Oui, excusez-moi madame, mais on a été coupé. Bon alors attendez, je vais appeler les flics. Mais pourquoi vous voulez appeler les flics madame? Mais parce que vous avez pas emmerdé les gens comme ça. Mais je vous emmerde pas madame. Non mais attendez, restez en ligne, hein, y'a pas de soucis. Je bouge pas madame, moi je veux juste venir faire un petit caca chez vous. Non mais attendez. Y'a pas de problème. Mais oui d'accord mais... Attendez, patientez, vous inquiétez pas. Mais oui parce que là ça devient pressant quand même. Ouais alors attendez, ne quittez pas hein. Mais je ne bouge pas madame. Allez. Oh bah raccroché dis donc. Mais quel connasse. Bon on va la rappeler. Bah oui. Il y a Kevin d'abord qui dit il y a moyen que je monte à Paris pour chier dans les locaux de fun dans le bureau du sous-chef ou du sous-sous-chef. Bah bien sûr Kevin, sans problème, t'es le bienvenu. Et Valo qui dit Mickaël a raison pour le sida, le film de avec Jared Leto en parle bien, ouais, c'est Dallas Buyers Club que je vous conseille de voir, hein, ne fût-ce que pour l'histoire, sincèrement ça vaut les tours et au moins on se rend compte que au final une protection ça coûte pas grand chose au final. Ouais. Voilà, par rapport à toutes les merdes d'après. Et tu vois qu'il a mérité son Oscar. Son Oscar, ouais. Complètement. Ouais. Quentin également qui dit Mickaël, tu peux me recruter en tant que ministre de l'armée des Doux. Ah, bah c'est Polo qui gère ça. Moi, je m'occupe pas de ça. C'est Polo, et Kevin, exactement, qui dit mort de rire. Polo, je le verrais bien ministre de la prostitution. Pourquoi pas, ouais. Bon, allez, on la rappelle, la petite dame là, hein, qui voulait appeler la police là. Et comme d'habitude, ce sera encore dans le vent. Enfin, je suppose. Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme. Oui. Oui, voilà. Non, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible que je vienne chez vous pour chier un petit coup. Mais bien sûr. Ah, bah non, parce que votre femme, elle avait pas l'air tout à fait... Non, mais moi, tu viens, tu chies à la maison, je te prends un coup de pied au cul, et comme ça, je te jure que ça va te passer l'envie de chier quelque part, espèce de gros bâtard que tu es. Hein. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Moi, je suis juste à côté, là, j'ai une envie pressante, et pourquoi vous le prenez comme ça? Non, mais je te dis, viens. Mais tu viens, volontiers, tu viens à la maison. Ah bah ça me fait plaisir de voir que vous êtes quelqu'un d'hospitalier comme ça monsieur. Non parce que ouais. Votre femme avait l'air un peu tendue et tout, ça m'ennuie quoi. Ouais mais viens, c'est avec plaisir je te reçois à la maison. Ah bah vraiment c'est vraiment gentil monsieur. Bah oui tu vas voir, tu vas être bien reçu, je t'offre le café pendant que tu chies, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Ah bah c'est vraiment sympa de votre part tout ça monsieur. Ah ouais. Non vraiment. Écoute-moi bien espèce de gros connard, tu rappelles encore une fois à la maison, hein. Oui. Tu vas voir ton numéro secret, ton numéro privé, hein. Tu vas voir comme ça va te faire bizarre, espèce de gros bâtard de ta race, hein. Français de merde, avec ton accent pourri, là. Oh bah monsieur, pourquoi vous me dites ça? Parce que tu es un gros bâtard, un gros bâtard. Ah non, t'as même pas de couille. Appelle avec ton numéro qui s'affiche. Mais je peux pas, mais je peux vous donner mon numéro si vous voulez, monsieur. Ouais, mais vas-y, donne-moi ton numéro. Alors, 01... Ouais. 01 42... Ouais. 48... Ouais. 50... 00. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, et pour le petit caca, alors c'est possible? Mais bien sûr. Bon, bah c'est vraiment sympa de votre part, hein, monsieur. Ça va, tu viens quand tu veux, allez. Bah là j'arrive, monsieur, hein, je me mets en route. Allez, à de suite. À tout de suite, monsieur, merci, c'est vraiment sympa. Ah, il est cool quand même. Ouais, il est cool, ouais. J'aime bien le français de merde. Mais il est corse. Ah, bah, il est corse. Bah, enfin, il est français avant tout. Ah, non, les corses sont corse. Les corses. Ah, je sais bien que c'est un peu tendu à ce niveau-là. Bon, 2h15 sur Fun Radio. On va faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et puis, on va surtout prendre Florian maintenant, qui avait une petite question à poser justement à Kalissa, qui est avec nous, la viande qui nous avait appelé il y a 2 semaines. Alors, Kalissa. Oui, je suis là. Oui, alors, Florian, tu avais une question? Allô. Salut. Salut Florian, vas-y on t'écoute. Ouais. Alors, ma petite question, ça serait en fait l'avenir qu'il y aurait dans mon couple, voilà, dans les jours futurs et dans l'avenir quoi. D'accord, c'est la même chose mais il n'y a pas de souci. Alors, okay. C'est Florian ton prénom, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc je vais mélanger les cartes et tu vas me dire stop quand tu le sens. Ok. Stop! Non, c'est pour foutre la merde. Ouais. je vois l'étoile, l'étoile, la carte de l'étoile. Non, c'est pas l'étoile. C'est une carte qui est très triste, malheureusement. Il y a la carte du main ou du fou. Donc deux choses, soit vous êtes en distance tous les deux, vous avez vraiment beaucoup de mal à vous voir, ou alors malheureusement ça annonce une séparation. Aïe. Votre couple a beaucoup beaucoup de mal à avancer. Ça m'attriste un petit peu, si tu veux, parce que moi, au niveau Une du couple, une de perdue. Hein. Au niveau du couple, là, très clairement, j'ai la carte de l'ermite qui ressort, l'impératrice en compte. Pour moi, non, on t'annonce la fin du couple. C'est pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas, ça va dans ce sens. Même elle, je la sens pas s'investir dans le couple. Je pense que c'est déjà actuel. Toi-même, tu sens qu'elle fuit un petit peu. Pas vraiment. Tu vas le sentir. Ça va te faire bizarre. Parce que moi, si tu veux, on ne parle pas vraiment de sentiments amoureux. On va plus me parler d'un attachement profond, d'une relation peut-être amicale. Mais je ne vois pas de relation amoureuse par rapport à cette personne. Voilà. Okay, donc, malheureusement, on parle d'une séparation. Alors attention, je peux me tromper. Hein. J'espère pour toi que je me trompe si ce n'est pas ce que tu veux. Mais sincèrement, c'est ce qui ressort dans les cartes. Mais t'inquiète pas, tu t'en remettras assez vite. Bah oui, t'inquiète pas, une de perdue, évidemment. Il n'y a pas de problème. Bon, ouais, j'espère qu'on a répondu à ta question. Ouais. Voilà, Flo, il n'y a pas de problème. Ok, mais je peux passer une petite dédicace quand même. Bien sûr, vas-y, il y a une seule personne, tu connais la règle, hein, on t'écoute. Ah bah allez, j'ai quand même fait une petite dédicace à ma petite copine, j'ai fait de gros bisous, et après à mon cousin Alexandre qui doit écouter la radio, et donc voilà. Très bien, qu'est-ce que tu n'avais pas compris dans une personne? Non mais c'est parce que comme sa copine va s'en séparer, elle compte pas. Ah ouais, ça compte pas, d'accord, ok, bon vu comme ça alors d'accord, très bien. Okay, salut okay. Flo, à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Ciao à toi, bye bye. Il y a Philippe avec nous également maintenant du Pas-de-Calais là, salut Philippe. Ouais, salut Mickaël. Comment ça va? Ah, ça va super bien, quand je t'écoute, ça va bien. Eh bah tant mieux Philippe, tu nous appelles pourquoi, dis-moi toi. Toi et toute ton équipe. Ah bah c'est gentil. Vous êtes super sympa. Eh non, je voulais te raconter un truc, j'ai mon voisin, un coup il descend, il dit, Philippe, il dit, ça fait deux jours que j'ai pas chié, il dit, je peux prendre tes toilettes. Bah je dis, rentre, hein, j'ai puis tu te démerdes. Alors lui il a filé deux ans après, elle dit, parce que les choses, en fait, c'est les choses qui les ont bougées, quoi. Donc je peux dire que on peut très bien prêter ses chiottes, quoi. Ah et ça c'est bien que tu nous as appelé pour nous le dire, parce que nous on l'aurait jamais fait. D'accord. Je suis désolé, Toff, mais t'es con, si ton voisin est emmerdé et qu'il a envie de chier, je suis désolé, il n'y a rien de mal à lui prêter les chiottes et puis c'est tout. Bah ouais, ouais. Oui, bien sûr. Moi je lui aurais dit de chier dans sa baignoire et puis on en parle plus. Bah oui. Mec, ça fait deux jours qu'il n'y avait pas tes chiottes, je dis tu peux rentrer, je dis maintenant tu te démerdes. C'est beau cet amour de ah, évidemment. Chiasse. Ouais, tout à fait, c'est tellement beau. Ouais, c'est beau. Le partage de cuvettes. Ben oui. Comme il faut, moi. Bah, complètement. Pas ta foule, comme pédé. Ah, bah, je ne vois pas le rapport. Bon, dis donc alors. Vous voulez venir faire caca, t'as que ça à faire, espèce de connard. Voilà, c'est ça. Bon c'est bien. Eh ben, merci Philippe pour cette petite anecdote, ma foi, plutôt sympathique. À bientôt. À bientôt, Philippe. Tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Ciao, Philippe. Bye bye. Bon, Polo Against the Rest of the World dans quelques minutes sur Fun Radio. Hein. Petit fils d'enculé. Oui. Voilà, fils de putain même. D'accord, ok, si tu veux, pas de problème. On se met Britney Spears. Bah allons-y. Alors, Britney Spears ou alors Rebel avec Black Pearl, je sais pas. J'hésite. Ah, blah, Britney. C'est ça. Bah, je sais pas. Ouais, Britney. Ça c'est Rebel avec Sydney House pour Black Pearl ou Britney. Je sais pas, j'hésite. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. C'est bon, je suis décidé. I'm blind from the tears that fall like rain. Gone, gone. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, 1h54. Et on va remercier Calissa qui est passée nous voir ce soir, donc pour la voyance, là, voilà, pour le tirage de cartes, etc. Voilà, mais c'est moi qui vous remercie. Bah, avec plaisir. De rien. Donc, j'ai juste une petite annonce à passer si ça te dérange pas. Vas-y. Donc, j'ai l'épisode Street Voyance, le numéro 1, qui est sorti lundi 3 mars. Donc, on va sur YouTube, on like, on aime et on partage Street Voyance. Et on va sur la page Facebook. Voilà. Très bien, eh ben, le message est passé. Et je fais un gros gros bisou à mon collègue Ethan Mort. Très bien, et eh ben merci à toi d'être passé, puis tu repasses quand tu veux. Hein. Et ben c'est avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bon, allez hop, c'est parti, on fera le top tweetos également tout à l'heure sur Fun Radio. Donc restez bien là, évidemment, si jamais vous avez envie de gagner peut-être votre sextoy. Et puis on va se faire Polo Against the Rest of the World. Il est 1h55, c'est le moment, c'est l'instant. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio et n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre l'armée des doux sur Fun Radio, si vous êtes doux et que vous pensez rejoindre l'armée, n'hésitez pas. Hashtag l'armée des doux. On commence avec Vincent. Vincent, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Polo, comment tu vas? Ça te regarde pas, dégage d'ici. Le retour de Toff, le retour du retour du retour. C'est le retour du retour du retour. Vas-y Toff, je t'écoute. Polo. Ouais. Est-ce qu'elle est là, la conne de voyante là? Ouais, un peu de respect, allez, casse-toi d'ici. Jérôme. Jérôme. Oui. Ouais. Jérôme. Oui, je suis là. Bon, qu'est-ce que tu veux si... Oh là, t'es trop mou. Oh, Hugo. Allô, ouais. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va très bien, et toi, Hugo? Ouais, t'aimes le cannabis? Non. Bah, vas-y, t'es nul. Bah, je suis nul. L'enfant de Toff. Allô? Dans Polo contre le reste du monde. Je t'écoute, enfant. Allô? Oui? Oui, Polo? Oui, je t'écoute. Oui, mon papa, il est méchant. Bah, il est surtout chum, ton père. Il est moche. Oui, je veux un autre. Tu veux quoi? Un autre papa, Polo. Ça marche pas comme ça, l'enfant de Toff. Le colonel. Oui, Polo. Bonjour, c'est colonel. Bon, on est sur le front. Quel front? Vos ordres? Vous êtes où, là? On est en train d'aller enculer les Russes. Bon, écoutez, l'armée on des... On est sur le front, par où est-ce qu'on va? Allez à droite. Très bien, on va à droite. Ok, ah Jack. Allô, Jack. Non, Jack. Allô. Ouais, je t'écoute. 98. Quoi, 98? S'il vous plaît. Qui est là? Je suis ton père. D'accord, t'es drôle toi. Oh là là, le roi des comiques là, on a tout là ce soir. Vincent, le retour. Ah bah enfin je peux parler. Bah déjà Polo, je veux dire que je suis un gros fan de toi, je te kiffe, je t'adore. Ouais. Et je voudrais savoir, j'arrive toujours pas à retourner Sabine, hein. Tu m'as toujours pas répondu à ma question, tu devais m'aider, ça fait deux jours que j'attends Polo là. Mais retourner quoi? Je devais retourner une copine Sabine et j'arrive pas, tu devais m'aider. Comment ça la retourner? Bah je t'avais expliqué que j'arrivais pas à la retourner en arrière, donc je fais comment là? Mais t'as utilisé le transpalette? Oui, j'ai écouté ce que tu m'as dit, ça marche pas, ça fonctionne pas. Bah, je sais pas, baise-la devant. Ah, bon bah je vais essayer, je te dis quoi après. Ok, dis-moi quoi. Le retour de Toff, le retour du retour. Ouais, bonsoir, je voudrais savoir si je peux venir chier chez vous un peu. Avec plaisir, Toff. Ah bah si je peux me vider le cul, ça fait du bien alors. Mais n'hésite pas à te vider le cul chez moi, ok? Et j'arrive pas à me faire enculer là, j'ai mis de la vaseline. Ok, parfait, Jérôme, le retour. Mais gros pédé, moi je dis que ta mère. Ça lui fera du bien, ça lui fera plaisir. Hugo, le retour. Ouais, tu sais comment j'ai deviné ton âge? Non. C'est le nombre de fois où j'ai baisé ta mère. Oh là là, Hugo. Ouais. T'es drôle. Ben ouais. Un petit un comique, quoi. Eh bah t'es un comique. J'ai avalé Coluche. Ouais, là, là, là, là. L'enfant de Toff, le retour. Polo, tu ouais. veux pas être mon papa? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie, voilà, allez, casse-toi. Le colonel, le retour. Oui, alors éventuellement on peut mettre un coup de Kalachnikov dans ton cul, Polo. Avec plaisir, mais quand on est des doux, les doux ne font pas de guerre. On en a rien à foutre, on est là pour gagner. Et on est doux, le colonel. Jack, le retour. Ouais, t'es dispo pour un gunshot, là? Non, pas du tout. Et une éjac faciale? Non. D'accord, bon. Bon, allez, casse-toi, ils m'ont saoulé. On va terminer le Polo contre le reste du monde. Préparez-vous à la fin. Le colonel, le retour. On y va. Bon, alors, quels sont vos ordres, capitaine? Reviens. Bon, très bien, j'arrive. Allez, on rebrouille. Casse-toi, le Hugo. Ouais, franchement, je te kiffe, Polo. Merci, moi aussi. Jérôme, on termine, allez, on conclut. Aussi, Polo contre le reste du monde, vas-y. Moi aussi, je te kiffe. Ok, merci. Ah, bah, décidément. Vincent. Polo, c'est bon. Bon, tu prends ta grosse, tu la retournes, tu la baises et t'arrêtes de me saouler. Vincent. Bon, très bien, on fait comme ça et on t'attend pour le gangbang. Hein. Avec plaisir, j'arrive. Jack. Est-ce que je peux t'enculer ici ou pas? Non, tu peux pas, on n'est pas chez toi ici. Le retour du retour de Toff. Jean-François, il veut se faire un doux. Vas-y, Jean-François. Un enfant doux. Jean-François. Je suis en train de mouiller. Jean-François. Jean-François. Je suis en train de me masturber là. Vas-y, Jean-François. Sur un enfant doux. Jean-François. Jean-François. Vas-y. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Allez, casse-toi. Et pour terminer, l'enfant de Toff. Écoute, mon enfant. Oui. Ton père est quelqu'un de bien. Au fond de lui. Même s'il essaye de jouer le mec un peu dur qu'il n'est pas. Jean-François. Ne t'inquiète pas, il va bien t'élever. Jean-François. D'accord. D'accord. Mais tu diras à mon papa que j'en ai rien à foutre et que j'ai fugué. D'accord. Et je ne reviendrai pas qu'il me cherche pas. D'accord. Ciao l'enfant de Toff. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. N'hésitez pas à rejoindre l'armée des doux. Vous êtes doux? Vous êtes douce? Venez chez Polo. Oh putain. Oh l'angoisse. C'est ça, c'est l'armée des doux. L'armée de l'angoisse. Bon, 1h59 sur Fun Radio. Là, on va se faire le top tweetos. Il y aura le générique aussi dans quelques minutes, comme chaque soir, bien sûr. Avant de se retrouver dimanche à partir de 20h et toute la semaine prochaine en direct de 23h à 2h du matin. Avant ça, donc, le top tweetos. Lequel va repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Exactement. Oh, maintenant, j'ai volé son rôle. Je veux l'argent. Et quel argent, surtout. Bon, alors en numéro 5, je rappelle que c'est le numéro 1 qui repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et sauf si le numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là, on ira voir le numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'ait pas encore gagné. En numéro 5, il y a 69 degrés. Et numéro 4, il y a Cédric. Numéro 3, il y a Fred. Numéro 2, le Bosniakov. Numéro 1, donc Drakit. Eh ben, qui a déjà gagné, donc c'est le Bosniakov qui va gagner alors, non? Ben oui. Eh ben, qui n'a pas encore gagné un beau sextoy. Sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Bon bah très bien. Et bah voilà, ça me paraît pas mal tout ça là. N'oubliez pas également qu'on se retrouve ce week-end. Demain soir, on sera au Whiz Club à Neuilly-les-Mines, tout près de Lens et de Lille. On vous attend évidemment nombreux et nombreuses, surtout nombreuses. On aura plein de cadeaux à vous offrir, notamment un iPad mini. Quand même. Et puis samedi, Et puis samedi, on passe la journée avec vous au Havre. On sera vers 14h sur la place de la mairie. Donc au Havre, hein, puisque Tov va payer son quick. Mais ouais. Oui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. À 16h, on va au Laser Game Evolution. C'est 40 rue des Magasins Généraux. Donc c'est toujours au Havre, bien sûr. Et venez également, puisqu'on a des places à vous filer pour faire une partie de Laser Game ensemble. Et puis le soir, vers 1h du mat, on se retrouve au Caliente pour une soirée de Psycho. En tout cas, c'est tout ce qu'on on va tout faire pour une soirée pleine de cadeaux. On va faire plein de conneries, vous allez voir, ça va être la folie totale. Et puis Tof apparemment sera nu sur la scène. Bien sûr. Oh, quelle horreur. Il n'y a pas de le. Voilà. Bon, donc c'est bon que ça ne vous dérange pas pendant que vous faites votre truc là? Non, mais c'est parce qu'on cherche Bosniakov. Et parce qu'en fait, le Bosniakov, c'est son nom, mais c'est Bosniakov, son pseudo. D'accord, ok, très bien. Son arrobase. Voilà. Bon, si vous voulez venir, il reste encore quelques places pour la journée au Havre. Alors, le Whiz Club, c'est fou là, je crois, non? Whiz Club, on est au Havre. En termes de places à offrir, hein, si vous voulez venir, je pense que vous pouvez les acheter sur place, je crois. Mais là, sinon, on n'a plus de place à vous offrir. En revanche, au Caliente au Havre, on a encore quelques places. Et pour venir avec nous également faire un petit laser game, il reste de la place. Vous pouvez faire un mail encore jusqu'à demain matin, Maxi, à toph@funradio.fr. Oui, enfin demain matin, je me lève pas avant midi. Hein. Ouais, enfin bon, demain midi quoi, voilà. Donc demain midi, comme ça, c'est fait. Allez, générique de fin, attention, c'est parti. Let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Faire chier comme il faut. Va te faire foutre, comme pédé, là. Tu voulais venir faire caca, t'as que ça à faire, espèce de connard. Petit fils d'enculé, voilà, fils de putain même. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Faire chier comme il faut, moi. Qu'est-ce que veux-tu? Je vais te chier à la gueule, moi, tu vas avoir un fourrat de bite, ton cul, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Ouais. Voilà. Et sans faute. Ben, elle est bonne et sans faute, c'est beau. Bon, on va c'est remercier bonne nouvelle tous ceux que Polo a pris. Exactement, ouais. On va remercier tous ceux qui étaient connectés ce soir. Évidemment, j'ai pas eu l'occasion de lire tous vos messages, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été au taquet comme d'habitude avec Kadera qui était là. Il y avait Léa qui demandait possible d'avoir un message de bienvenue pour Nassira qui écoute. On se tape des barres avec vous. Bah merci les filles, un petit message de bienvenue avec plaisir. Voilà, Christophe également qui était là. Il y avait Colline, Cassandra, Angelo. Il y avait Lola, il y avait Kev, Guillaume également, le Doc Coco. Il y avait Constance évidemment. Il y avait Nathan, It's My Birthday, qui était là aussi, qui dit: moi je me suis énervé contre ma mère à 13 ans car elle m'avait traité de pute. Ah oui, effectivement, c'est pas cool. À la Real Madrid également qui était là. Et elle est le Real évidemment pour ce week-end. Lola, on a même malheureusement pas pu demander et pas su si le Real allait gagner, mais on verra. Manon également, il y avait Baptiste, Mickaël, bon, il y avait du monde, hein. De Gamer Flogs également, Vilain, il y avait Eddy, Mathis, Constance, Samia, etc. Le micro pénis qui était là également, bien entendu, Hooligan, etc., etc. Bah, merci beaucoup en tout cas. J'espère qu'on se croisera ce week-end, hein. Donc à Neuilly-les-Mines demain soir au Whiz Club et puis au Havre ce week-end, hein. 14h place de la mairie, 16h on va au Laser Game Evolution et puis le soir vers 1h du matin on sera au Caliente. Venez nombreux et nombreuses, on vous attend, on aura plein de cadeaux pour vous et puis ça me fera plaisir en plus de voir tous ceux qui écoutent l'émission là au Havre et à Neuilly-les-Mines là, qu'on voit un petit peu à quoi vous ressemblez aussi. Et puis comme ça vous allez voir que la gueule de Toff, elle est vraiment dégueulasse en vrai. Non, on fait pas du je cinéma. Je suis plus beau et voilà. Ça vous le verrez. Non non mais on ne fait pas de cinéma, c'est ça que je voulais dire. Donc je voilà. Je suis magnifique. N'hésitez pas, venez, il n'y a pas de problème, vous serez bien entendu les plus que bienvenus, bien entendu. 23h, 2h. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement. Allez, passez une bonne nuit tout le monde. On se rencard donc dimanche à partir de 20h. Et toute la semaine prochaine de 23h à 2h du mat en direct sur Fun Radio. Passez une excellente nuit. Le son non-stop, le son dance floor non-stop, c'est jusqu'à 6h du mat. Et puis on va se faire péter le son là. J'hésitais tout à l'heure, on va se le mettre maintenant. Rebow avec Sydney House, c'est Black Pearl. Bon week-end, sortez couvert à dimanche soir.